Radio Debout. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Debout. On est de retour sur la place de la République à Paris en direct après un petit détour hier soir à la Nuit Debout de Saint-Denis où on était aussi en direct. Aujourd'hui on est le 87 mars, il est 20h, il fait beau sur la place, il va peut-être pleuvoir mais pour l'instant il fait beau. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de monde à l'AG, vous l'entendez peut-être derrière moi. Alors pourquoi il y a du monde? Parce que cet après-midi on manifestait, il y a 110 villes en France au moins où il y avait des manifestations, des syndicats, des associations, des collectifs, des autonomes, des lycéens, des étudiants qui ont encore une fois battu le pavé contre la loi travail. Les raffineries, elles sont aussi bloquées. Bientôt peut-être aussi les centrales nucléaires. Les signes de contestation ne tarissent pas, au contraire. Et en ce moment même, il y en a qui manifestent encore. Il y a une manifestation sauvage à Beaumarchais, dans le 11e arrondissement, si vous voulez aller les soutenir. Et au programme de Radio Debout ce soir, on reçoit Olivier Saget, membre de l'union locale CGT du 3e arrondissement. Et comme je disais, il y a eu une grosse journée de mobilisation aujourd'hui. Et on fera le point sur ces manifestations et qui ont lieu depuis le mois de mars et jusqu'à aujourd'hui. Et à 21h, c'est Mathilde de RFPP qui prend le relais sur Radio Debout. Elle recevra un professeur du lycée Henri Bergson où ont eu lieu des violences policières contre des lycéens. Vous vous souvenez, c'était le 24 mars, il y avait une vidéo qui avait beaucoup tourné sur Internet, on voyait un lycéen de 15 ans s'effondrer sous le coup de poing d'un policier. Et on commence cette soirée sur Radio Debout. On va se diriger tout de suite vers l'AG, où il y a beaucoup d'ambiance et beaucoup de monde. Intéressante. Voilà. Et c'est à Clément et Élise se prépare. Bonjour à tous, je m'appelle Clément, je suis enseignant, je suis en grève 4 jours par semaine, je bosse le lundi pour pas qu'on me retire le week-end. J'essaye de participer à des petites actions qui se passent, je reçois des SMS, on me dit d'aller à tel endroit, à telle heure, et je sais pas ce que je vais faire, mais j'y vais et je trouve ça bien. Il y a des vraies choses qui se passent. Ce matin, il y a eu un pont qui a été bloqué, un pont qui mène au plus gros port de la région parisienne pendant 2 heures. Alors, je ne dis pas que c'est la panacée, mais c'est déjà énorme. Là, on était 100. Et voilà, je crois que je me mets en danger en disant ça devant probablement plein de gens qui regardent, qu'il ne faudrait pas qu'ils sachent, mais je m'en fiche. Je trouve cette AG très belle. Je trouve qu'on est nombreux et que pour une AG interlutte, c'est vraiment beau. Et ça monte notre force. Et je pense qu'on met tout en place pour gagner, qu'on arrive à faire consensus pour faire cette AG ici, pour qu'il y ait le maximum de gens, que les interpros, les intersyndicales de lutte soient là. Par contre, ce que je vois aussi, c'est que par rapport au cortège de tête, on a perdu 95% des gens qui étaient dans le cortège, qui ne sont pas là. Et que, en fait, ce cortège de tête, c'est une force immense pour faire des actions. Et que, une fois que la manif se disperse, il n'est plus là, ce cortège de tête, pour se mobiliser. Et qu'en fait, on pourrait, et c'est une proposition concrète, un peu comme la dame que je ne connais pas vraiment son prénom, mais disait, c'est qu'on peut utiliser, et je pense qu'on devrait s'organiser pour utiliser ces manifestations pour organiser dans Paris une action qui soit une action vraiment forte, une action de blocage pour aussi soutenir les raffineries. Parce que la raffinerie, quand elle demande du soutien, c'est aussi voir que c'est pas les seuls à vouloir que l'économie elle s'arrête, que pour faire plier le gouvernement. Et du coup, il y a une espèce de contradiction entre le fait qu'il y ait les AG le soir juste après qui nous empêche de faire ces actions massives. Du coup, il n'y a pas trop de solutions. Il y a une solution qui est d'essayer d'organiser cette AG interlutte avant la manif pour pouvoir tous partir en action pendant la manif. Des actions qui sont, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais on fait confiance aux gens qui les organisent. Et on y va quand on nous donne un petit mot dans la manif de dire voilà. Il y a l'interlude qui a organisé ça et on va au point de rendez-vous et puis on voit ce qui se passe et on leur fait confiance parce qu'il y a des questions de jauge et s'il n'y a pas assez de personnes, eh ben, il y a un plan B et puis s'il n'y a encore pas assez de personnes, il y a un plan C et on essaye de se donner comme objectif de bloquer à notre échelle, à notre pouvoir, l'économie, de reprendre le pouvoir pendant un moment, en étant non violent, mais bloquant, avec une vraie force massive. On pourrait se fixer des objectifs clairs pour cette action, qui soit et un côté blocage de l'économie, et essayer d'occuper un lieu pour que cet AG puisse aussi se faire après, avec tout le monde, avec tous les gens qui ont été mobilisés et qui étaient prêts à rentrer en action. Des actions, encore une fois, où c'est le principe, c'est que ça soit non violent, mais bloquant. Et ça me paraît très intéressant qu'on prenne une décision pour une manif où il y ait de l'ampleur, par exemple le 14, ou avant, si l'intersyndicale officielle fait des propositions de journée d'action. Voilà. Élise ? Et qui, ah pardon, excuse-moi. Qui se prépare ? Qui se prépare ? Saïd se prépare. Ouais, moi c'est Élise, enseignante dans l'éducation nationale. Je vais essayer de parler plus fort. Donc, je colle le micro. Du coup, il ne se passe pas encore forcément énormément de choses au niveau de l'éducation nationale. En tout cas, ce n'est pas encore super visible parce qu'il se passe pas mal de trucs finalement depuis quelques semaines. Là, ça fait plusieurs manifestations qu'on essaye de constituer un cortège personnel de l'éducation debout qui commence à avoir de la gueule. On manifeste à côté de nos camarades du social et on est bien content de manifester à côté d'eux parce que franchement, ça a la patate. Après, au niveau de la mobilisation de nos collègues, notamment dans le premier et le second degré, c'est pas encore facile. Alors qu'on bosse dans des conditions de travail qui sont de plus en plus difficiles et qui continueront de se dégrader si cette loi passe. Ça, on en a bien conscience. Les taux d'arrêt maladie sont de plus en plus importants dans l'éducation nationale. Et surtout, on a de plus en plus de collègues qui sont des précaires et qu'on a encore un peu de mal à mobiliser. Qui ont assez peu d'informations, notamment les assistants d'éducation, les auxiliaires de vie scolaire, les personnels de la ville de Paris ou les personnels du privé, qui sont, eux, en contrat de droit privé et qui sont directement touchés par cette loi. J'essaye. J'ai plus beaucoup de bois après la manif, désolé. Mais voilà, on essaie de les mobiliser. Il se passe pas mal de trucs. On a notamment mis en place une caisse de grève. Parce que ça, c'est quand même un élément qui est assez fort pour les collègues enseignants ou les collègues précaires. C'est la peur de perdre trop de salaire s'ils se mobilisent. Donc, il y a des caisses de grève qui sont mises en place à plusieurs niveaux, notamment au niveau de personnel de l'éducation debout. Donc, faites circuler le message et participez si vous avez la possibilité de participer, parce que c'est un argument qui est quand même vachement important. D'autre part, on a des camarades AED, assistants d'éducation, à Aulnay, qui se sont mis assez massivement en grève et qui appellent à un rassemblement de soutien et pour manifester contre leurs conditions de travail de merde et pour leur opposition à la loi. Donc, rassemblement à 14h samedi à la gare d'Aulnay. Donc, notez-le, faites-le circuler aussi. On appelle aussi, au sein du mouvement personnel de l'éducation debout, à se mobiliser les 2 et les 9 juin qui arrivent, parce qu'il ne faut pas qu'on attende le 14, parce que voilà, ça bouge encore assez difficilement au niveau des intersyndicales de l'éducation, mais il ne faut pas qu'on attende trop longtemps, parce que sinon ça risque de s'essouffler. Il y a aussi des choses qui se passent au niveau local, des choses hyper intéressantes et qu'il faut qu'on continue de massifier, de cultiver. C'est des dynamiques interpro, il y en a notamment sur le 13e, mais on essaye aussi sur le 18e, sur le 20e, de mettre en place des trucs. Donc là, s'il y a des gens qui sont mobilisés dans d'autres secteurs, dans le 18e, dans le 20e, on a besoin de vous pour faire des diffusions de tracts sur les marchés, pour animer les AG et tout ça. Donc voilà, il se passe quand même pas mal de trucs. Et voilà, on va tout faire pour que la mobilisation, elle se passe. Parce que dans la fonction publique, on a bien conscience que, même si pour le moment, le statut de fonctionnaire, il est encore relativement protégé, on sera les prochains sur la liste de la dégradation des conditions de travail et de la soumission aux employeurs, aux forces étatiques et aux forces patronales qui marchent main dans la main. Et bien voilà, on est toujours place de la République et toujours avec Radio Debout. On vient d'entendre un extrait de l'Assemblée Générale qui se déroule en direct. T'as un meilleur micro que moi. Alors on est toujours... Place de la République, Radio Debout. On a des petits problèmes de micro et de câblage, c'est pour ça que j'ai une petite hésitation. Mais on va continuer avec Marie. On va continuer. Je vais te présenter mon invité, c'est Tariq. Alors Tariq, il est dans le mouvement Nuit Debout depuis le 31 mars. Habituellement, on le reçoit. On le reçoit tard dans la nuit, lorsque la place commence à se vider, lorsque l'alcool commence à faire ses effets. C'est Tariq qui vient nous rejoindre. Alors, on a décidé de lui donner sa chance en début de soirée aujourd'hui. Alors, c'est quasiment une chronique. Hein. On a déjà eu Tariq au commissariat. Tariq fait du camping Place de la République et se fait chourer son réchaud. On a eu Tariq va au théâtre. Ton réchaud. On a Tariq va passer la nuit au théâtre. On a eu Tariq se fait gazer. On a eu Tariq et le 49-3. Et aujourd'hui, on aura Tariq et le rebond du mouvement ouvrier. Tariq, est-ce que tu as passé une bonne journée? Mais oui! C'était fantastique, c'était vraiment bien. Ça faisait plaisir de revoir un peu les cortèges dynamiques. Là, j'étais dans le cortège étudiant, de fait, cortège auto-organisé des étudiants. Et c'était vachement bien, vraiment dynamique avec plein de... Enfin, forcément, on est reboosté, quoi. On est forcément content parce que, voilà, ça y est, la carte de la France est toute orange, remplie de petits points avec toutes les pompes à essence qui sont vides. On a appris qu'il y avait 100% de grève dans le nucléaire, il y a les trains le 2. Enfin, c'est fantastique, quoi. On est en train de sentir que ça y est, on peut enfin peut-être gagner. Alors moi, j'étais à la manifestation aujourd'hui qui partait de Bastille vers 14h et qui allait jusqu'à Nation. On viendra sur les événements qui ont émaillé la fin de cette manifestation et le comportement des forces de l'ordre. Mais j'ai trouvé que ça faisait une vraie rupture avec la manif de la semaine dernière ou les manifs de la semaine dernière. J'ai l'impression que tout le monde avait le sourire, qu'il y avait une espèce de... Est-ce que tu as senti ce changement d'ambiance? C'est difficilement palpable, d'ailleurs. Ah, clairement. Clairement. Bah, déjà, moi, je suis arrivé un tout petit peu en retard pour des raisons tout à fait personnelles. Et c'était mon anniversaire hier, bref. Et du coup, j'arrive et je vois dans le cortège étudiant plein d'étudiants maquillés avec des petits chapeaux pointus, des petits sabres en ballon là. Et déjà, j'ai toujours pas compris, donc c'est encore mon mystère de la journée. Donc je sais pas si tous les étudiants, je sais pas, font une campagne sur la légalisation des drogues ou je ne sais pas, mais c'était très drôle. Et puis, tout le monde reprenait les slogans, c'est-à-dire que tout le monde, c'est pas la manif du dimanche où tu vas et tu discutes de ton week-end, quoi. C'était vraiment hyper motivé et motivant, c'était un truc de dingue. Et ça faisait franchement plaisir. Et clairement, tu sens que, voilà, on est arrivé à la troisième étape un peu de cette mobilisation. Parce que tu disais, j'étais à Nuit Debout depuis le 31. Mais avant, en fait, dans la fac, on était sur la mobilisation étudiante depuis le 1er mars. Puis il y a eu le 9 mars, il y a eu les premières mobilisations. Où déjà, en fait, dès quelques jours après le 9 mars, on avait peur, quoi. On avait hyper peur et qu'on se disait, bon, il y a un moment où il faut qu'il y ait un second souffle, etc. Puis arrivé Nuit Debout. Nuit Debout, ça, c'était le 31, c'était génial, ça nous a redonné du courage, du peps, de la motivation pour continuer, etc. Ensuite, il y a eu tout un moment où, quand on s'est vu, on s'est retrouvé sous la pluie à se dire qu'est-ce qui se passe, ça va être compliqué, etc. Et puis, avec les grèves des salariés, etc., qui arrivent enfin à se lever. Enfin, depuis le 9 mars, on dit tous ensemble dans la rue, etc. Là, enfin, les grèves commencent à prendre et commencent à faire vraiment flipper le gouvernement. Et on se dit, ça y est, il y a le troisième souffle. Et on espère que c'est le dernier. Enfin, pour cette mobilisation. Peut-être on peut dire deux mots sur la jeunesse. La semaine dernière, on discutait avec un de nos invités, Fassin, qui est prof à Paris 8, de la difficulté pour les étudiants de se maintenir la mobilisation, y compris parce qu'il y a la fin de l'année, il y a malgré tout des échéances, des notes, des partiels qui arrivent. Où s'en est la mobilisation dans les facs, dans la jeunesse aujourd'hui avec cette contrainte de la fin d'année scolaire? Non, c'est clair que c'est vachement plus compliqué. Après, comme on a dit, on s'est très rapidement en fait dans un espèce de truc où on allait en fait titiller tous les salariés qui avaient envie de se mettre en grève, et on allait en soutien à toute leur grève, on allait diffuser des tracts avec eux, on allait sur les lieux de travail, soit à Austerlitz, à La Poste, à Renault, etc. Et du coup, en réalité, la force en fait du mouvement étudiant, c'est qu'on a réussi à réellement s'auto-organiser et à avoir notre propre agenda. Et, le fait que en fait, les comités de mobilisation, qui sont quand même assez indépendants, etc., se mettent en marche tout seuls, j'ai envie de dire, enfin entre nous, quand il a fallu faire face à ce truc-là, bah, on avait déjà notre agenda et le comité de mob en fait, était assez résistant à ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'avaient jamais milité dans leur vie se sont retrouvés à continuer, etc. Après, je ne dis pas que c'est toujours tout aussi facile. On n'a plus les âgés à 1000 personnes comme on a eu au début du mouvement. Mais en fait, c'est normal dans une mobilisation, moi, je pense, qu'il y ait des variations, des différents types de choses. Et pour venir un peu sur le truc où il y a certaines personnes qui disent oui, seule la classe ouvrière peut changer, peut faire changer un peu la vapeur, etc. C'est eux les seuls qui peuvent bloquer l'économie. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais il y a un truc, c'est que sans Nuit Debout, et sans les étudiants, en fait, ça aurait duré une semaine, quoi. Et que justement, c'est ça qui donne la force à ce mouvement. C'est qu'on est en train de redéfinir plein de choses et on est en train de trouver des façons pour justement pas se retrouver dans la même situation qu'au moment des retraites, quoi. C'est que là, on est en passe de gagner. Il n'y a pas de clé unique qui permettrait de déclencher un mouvement. Occuper une raffinerie n'aurait aucun sens s'il n'y avait pas tout le mouvement qu'il y a autour. Je crois qu'on est d'accord. Mais peut-être on pourrait reparler un petit peu de Nuit Debout, parce qu'on le voit ce soir, il y a un petit peu plus de monde que la semaine dernière, mais ça reste parmi les soirées qui deviennent un petit peu difficiles. Ça a du mal à mobiliser. On voit qu'il y a moins de tentes autour, moins d'animation, moins de gens qui s'investissent. Bon, ça fait bientôt 2 mois que ça a lieu. Comment tu vois, toi, l'évolution depuis un mois et demi, 1 mois et 20 jours maintenant? Déjà, il y a un truc, c'est quand même un truc de malade ce qui se passe sur cette place. Ça fait 2 mois qu'on occupe une place. Le premier, on a fait quand même les réunions, leur faire peur, etc. On ne savait pas bien ce qui allait se passer le 31 mars. On se disait, peut-être qu'on va tenir un jour. Peut-être qu'on a tenu jusqu'au lundi, c'était un truc de dingue pour tout le monde. On a réussi à tenir le lundi et puis le mardi, etc. Et chaque jour est un peu une nouvelle victoire en soi. De rester sur cette place. On a fait quand même face à une répression qui est sévère. On a vu les canons à eau pas marcher, heureusement, mais sur la place. On a vu des milliers, tous les types de flics qu'on peut connaître, les CRS, la police nationale, les gendarmes, etc., les RG, chacun avec leur habit différent. Mais clairement, il y a déjà quand même un truc, c'est de se dire, on a quand même une victoire là-dessus, et c'est que, on arrive à discuter avec des gens avec lesquels on n'aurait jamais discuté. On peut, redéfinir des choses sur la façon de faire de la politique, etc. Et puis, oui, évidemment, c'est compliqué, ça a été compliqué. Il y a eu un moment où ça ramait, quoi. Où je sais pas si c'est à force de trop se regarder le nombril et à rester sur les questions d'organisation des assemblées générales. Alors, comment on prend des décisions? Est-ce qu'il faut en prendre? Comment? Ou alors, si c'est l'inverse, c'était de trop partir à l'extérieur. Moi, je pense que c'est plutôt pas ça. Moi, je pense que justement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'initiatives qui partent de Nuit Debout, de manifestations qui partent de Nuit Debout, d'actions qui partent de Nuit Debout, etc. Et que c'est plutôt Nuit Debout qui se raccroche à des actions qui sont faites à l'extérieur. Mais moi je pense que pour le coup, on a maintenant une place, un lieu où on peut faire de la politique. Et après une manifestation, je ne sais pas si vous vous rappelez, avant, il y a quelques semaines et mois, on rentrait chacun chez nous boire notre petit chocolat chaud. Là, on est sur une place à l'air libre, en train de continuer à faire de la politique, à se dire comment on va faire pour aller pouvoir proposer une nouvelle date de mobilisation et de grève avant le 14 juin. Je crois que c'était le 14 juin, la date proposée par les syndicats. Et se dire qu'on va peut-être... Les dates se multiplient, là. Notre agenda est en train de se remplir. Voilà, mais justement, et c'est aussi à ça que ça sert. Non, mais effectivement, mais c'est même pas un point de vue critique, mais c'est vrai que parfois, moi, quand je viens ici le soir, j'ai l'impression d'être dans le film Un jour sans fin. Le débat à l'Assemblée générale ressemble à celui d'hier et d'avant-hier, qui lui-même ressemblait à celui de la semaine d'avant, parce qu'effectivement, la souveraineté du nager, c'est quelque chose de compliqué à construire, et j'ai parfois l'impression de revivre le même débat sans fin. Oui, c'est normal. C'est pas tous les soirs les mêmes personnes et en fait les mêmes débats se reposent tout le temps. Là on n'est pas en train de construire une organisation politique, on n'est pas en train d'organiser un syndicat ou une association où les personnes en fait se connaissent et font des réunions régulières. En fait y a, ce qu'il faut savoir c'est quand même, il y a eu plus de 2000, enfin en tout cas au début des milliers de personnes sur cette place, différents chaque jour, et ça c'est un élément qui je pense est important et que au final en fait c'est, même si les débats se reposent etc, je pense que le problème c'est plutôt une forme de manque de perspective de qu'est-ce qu'on fait après et ensemble etc, plutôt que de se dire on parle toujours la même chose, enfin c'est vrai et c'est un problème, mais ça c'est normal, c'est-à-dire que là on est à l'air libre, on est enfin tu vois, c'est comme j'entends souvent je suis de nuit debout, je sais pas ce que ça veut dire être de nuit debout, ça veut rien dire, c'est-à-dire ma boulangère elle passe place de la République, elle est de nuit debout quoi. Donc tout le monde est nuit debout à partir du moment où il vient sur cette place. Donc ça, pour moi, c'est pas une appartenance politique. Mais, peut-être que ça a un sens si les acteurs eux-mêmes décident de s'appeler nuit debout, c'est-à-dire qu'ils souhaitent s'affilier à ça. Ouais, ça a malgré tout un sens. Ça a certainement un sens, mais moi je le comprends pas. Je vais te laisser méditer sur cette profonde réflexion. Allez. Tariq, je voudrais qu'on revienne tout à l'heure avec toi, on discutera de la répression du mouvement, du travail policier, parce que c'est, je pense que c'est un peu central pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Mais si tout va bien, on va faire quelques 500 km vers le sud et se retrouver à Lyon avec Arnaud. Arnaud, est-ce que tu m'entends ? Oui, très bien. Alors Arnaud, est-ce que tu peux, on est en direct là sur Radio Debout depuis la place de la République, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'il se passe à Lyon et comment vous vivez ces journées un petit peu agitées ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une manifestation qui était prévue à 13h, qui s'est déroulée au début extrêmement calmement. Étonnamment calmement en fait par rapport à ce qui se passait d'habitude, et c'est une fois arrivé sur la place Bellecour, donc au terminus de la manifestation, qu'il y a eu des grosses violences en fait. Donc avec ce qui s'est passé, c'est que tout le monde était assis, d'un seul coup les forces de l'ordre sont rentrées sur la place, ont commencé à interpeller des gens, et là c'est parti vraiment en émeute pendant plusieurs heures, avec de très nombreuses arrestations, des blessés graves, un certain nombre de blessés graves, et puis à la fin, une cinquantaine de personnes ont tous été emmenés en garde à vue. D'accord, alors on reviendra peut-être sur les violences, mais est-ce que d'abord tu peux nous parler de la mobilisation, de l'état de la mobilisation à Lyon, nous La mobilisation a connu un véritable regain, donc il y avait plus de 12 000 personnes sur un syndicat, par rapport à 9 000 la semaine dernière et à 6 000 il y a deux semaines. Donc notamment en fait tout ce qui s'est passé autour de feu avec l'arrivée de la CGT dans le mouvement, il y a eu énormément de gens qui sont revenus et donc il y a vraiment deux ou trois fois plus de monde par rapport à d'habitude. Et alors parce qu'on comment tu expliques, enfin comment vous expliquez le regain de ce mouvement qui a commencé depuis début mars, c'est quoi, c'est les raffineries, le blocage des raffineries qui vous redonne confiance? Bah, c'est le blocage des raffineries, c'est un EDF, enfin, l'ensemble des syndicalistes, la CGT avec FO qui a suivi, qui sont mis vraiment en grève, qui sont arrivés beaucoup plus nombreux par rapport à d'habitude, et puis c'est notamment la réaction absurde du gouvernement qui pousse les gens à ressortir, à se mobiliser. D'accord. Est-ce que par ailleurs tu peux nous dire ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des mobilisations nuit debout? Est-ce que chez vous c'est quelque chose qui prend corps, qui a pris corps? Et après, nuit debout en fait a vraiment évolué. Maintenant, nuit debout travaille pas mal par événementiel. Il y a notamment plusieurs concerts. Il y avait un concert hier, il y avait un concert ce soir. Avec pas mal de préparation les manifs, et il y a un comité de lutte qui s'est mis en place, il y a la nuit debout, et autour de nuit debout, pour justement organiser un certain nombre d'actions qui ont lieu tout au long des semaines. Parce que la discussion qu'on avait sur le plateau avant qu'on te téléphone, c'était aussi de se dire que c'est sûrement un mouvement tel que Nuit Debout qui a permis de tenir entre deux échéances parfois un petit peu espacées de mobilisation contre la loi travail. Est-ce que chez vous, ça vous a aidé vous aussi à tenir ces caps? Clairement oui, à Lyon, ça a clairement permis de rythmer en fait entre deux grosses manifestations, ça a permis de rythmer, de permettre aux gens de continuer à se rassembler, à discuter. Et ça a clairement permis au mouvement d'exister en fait. D'accord. Peut-être pour terminer, on va revenir par ce sur quoi tu as commencé. C'est évidemment la question de la répression et des violences policières. Tu nous disais qu'aujourd'hui, place Bellecour, ça s'était mal terminé pour un certain nombre de manifestants. Est-ce que chez vous, le travail de répression policière, c'est une exception aujourd'hui ou c'est un peu toujours comme ça depuis le début du mouvement? Jusqu'à maintenant, il y a toujours une répression policière assez forte, mais là, on a vraiment passé un cap. En fait, ce qui s'est passé, qui est encore moins d'habitude, c'est qu'il y a eu très peu d'affrontements pendant la manifestation, et c'est vraiment à la fin où c'est devenu extrêmement violent et extrêmement rapidement. Les forces de l'ordre ont vraiment foncé pour arrêter un manifestant en plein milieu de la place, personne n'a rien compris, et à partir de là, en fait, tout le monde s'est déchaîné dans tous les sens. Ah, c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir assisté à la scène dont tu parles, place de la République, il y a 3 heures, place de la Nation, il y a 3 heures de ça, exactement la même chose. Les forces de l'ordre ont fondu sur un type, on ne sait pas pourquoi, il était dans le cortège de Solidaires, et ça a créé l'incident évidemment avec les manifestants du cortège. Ouais, c'est exactement ça, et puis après, donc une très grosse tension qui s'installe sur la place, énormément d'affrontements extrêmement violents, des forces de l'ordre qui réduisent leurs manches chargées, ont tiré des grenades de désencerclement, donc il y a énormément de blessés, un certain nombre notamment des gens de la Medical Team qui ont été visés en priorité, dont un qui a été touché par un flashball au niveau du poste du front, et plusieurs cinquante, plusieurs personnes évacuées par les pompiers, un bilan assez lourd. Alors, quelles sont vos prochaines échéances, vous, à Lyon, vous reprenez la rue quand? Bonne question. Normalement, il y a une manifestation la semaine prochaine, normalement. Après, là, déjà, dès ce soir, il y a un rassemblement qui a été organisé en soutien aux personnes qui ont été interpellées. Il y a Nuit Debout, il y a un concert, et pour tout le week-end aussi, il y a des événements sur ces questions-là. D'accord, bah écoute. Après, pour avoir plus d'informations, il y a un site qui s'appelle rébellion.info. Rébellion, pour tous les Lyonnais qui sont pour tous les Lyonnais intéressés, il y a toutes les informations sont dessus. Très bien, Arnaud. Bah écoute, merci beaucoup pour ces infos. J'espère qu'on aura bientôt de tes nouvelles pour nous raconter la suite de ce mouvement. Parce que toi, à la fin, tu penses qu'on va gagner ou pas? J'espère. En tout cas, on va tout faire pour. Quoi. Mais bon, il n'y a pas de raison. On est motivé, on est déterminé, donc normalement, il n'y a pas de raison. Salut, merci Arnaud. Allez, on continue sur Radio Debout. On va faire un petit saut place de la République à l'Assemblée Générale qui se tient. Donc, on va reprendre à la volée ce qui se dit durant l'Assemblée Générale. Toutes ces grèves-là. À la Corse, en Corse aujourd'hui, les deux dépôts pétroliers qui ont été bloqués pour le premier jour. Et à Cherbourg, après ma liste, elle n'était pas exhaustive, j'ai juste regardé la presse. À Cherbourg, l'usine de sous-marins nucléaires et le port militaire qui ont été arrêtés et bloqués par leurs travailleurs. C'est quand même un sacré exemple. Et je pense qu'on est tous en train de découvrir ou de redécouvrir que dans ce pays, comme dans tous les autres pays capitalistes, tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on produit, tout ce qu'on transporte, tout ce qui circule, tout ça en réalité, c'est nous qui le produisons. Et quand les salariés, les travailleuses, les travailleurs s'arrêtent de travailler, alors là, en fait, on se rend compte qu'il y a réellement le pouvoir et qu'on pourrait réellement décider, qui doit décider. C'est pas 60 personnes qui viennent de passer en 49-3. Bon, je pense qu'il y a un truc qui est extrêmement important par rapport à ça, c'est qu'on arrive à s'organiser nous-mêmes, que ce soit les personnes qui font grève, les personnes qui sont en lutte, qui décident du calendrier de la lutte. Parce qu'on a un problème systématiquement, semaine après semaine depuis le 9 mars, c'est que c'est le jeudi soir, puisque c'est généralement le jeudi qu'on se mobilise, qu'on est en train de se dire « Ah mais il se passe quoi la semaine prochaine ?» Pourquoi ? Parce que les directions syndicales nationales, elles nous baladent comme ça, par tranche de 4-5 jours, une semaine, sans prévoir de plan de bataille qui permettrait de gagner. Donc ce soir, on doit décider ce qui se passe la semaine prochaine. C'est très bien qu'elles aient appelé au 14 juin, mais dans le 14 juin, on ne sait pas, on en sera, c'est dans 3 semaines. Donc on doit appeler nous, ça a déjà été dit. Mais moi, je pense que ça réitère, et c'est un mandat qu'on a depuis l'AG étudiante Interfac qui vient de se tenir, de faire une manifestation dans la rue la semaine prochaine. On n'en a rien à fiche que ça soit le 1er ou le 2 juin, donc le mercredi ou le jeudi, mais on veut pouvoir, avec tous les secteurs en lutte, les cheminots, les postiers, les étudiants, le travail social, les autres secteurs, la population, on veut pouvoir reprendre la rue la semaine prochaine. Deuxième proposition, c'est qu'on propose, on écrira un tract pour ça, un tract d'appel à tous les salariés de la région parisienne et à toute la population. On propose une déche massive lundi matin, en commençant par toutes les gares, mais partout là où on voudra, pour montrer qu'à Nuit Debout, que les secteurs en lutte, on s'adresse à l'ensemble de la population qui n'est pas encore mobilisée. Voilà, c'est tout en termes de propositions. Florian, il y a fait un point sur la manif sauvage qui va avoir lieu. C'est Florian qui va nous faire un petit point sur la manif sauvage. Bon voilà, vous avez entendu tout à l'heure, il y a eu une annonce qui est passée, on est parti en manif sauvage. Il y avait Madame El Khomri, ou El Khomri, je ne sais plus comment elle s'appelle celle-là, qui était sur un plateau télé de France 5. Donc on est allé la voir, et en fait on est arrivé là-bas, la porte était ouverte, on est rentré. Et puis bah, on est allé jusqu'à la porte du studio, et il y avait El Khomri dedans. Et bah, on est passé à France 5, et El Khomri elle a eu très peur. Elle a eu très très peur pour son cul. Donc voilà, ça va peut-être bouger dans sa tête, on sait pas, hein, c'est tellement vide en même temps. Après on est parti direction Apéro Sauvage chez Vals. Voilà, et ça s'est bien terminé. Bonne nouvelle, pour l'instant il n'y a personne d'arrêté, il n'y a pas eu de gens blessés, donc tout va bien. On a fait une bonne action, pacifiste et efficace. Oui, alors juste, si les gens qui sont autour, s'il vous plaît, si vous pouviez vous asseoir, parce que vraiment, ça coupe le son, on voit pas tout le monde, etc. Donc s'il vous plaît, sur le côté, si vous voulez bien vous asseoir, au fond, si vous voulez bien vous asseoir, sur le côté, à gauche aussi, s'il vous plaît. Partout. Donc tu m'as dit, c'est Johan, puis Alice se prépare. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Ah, quand même. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Alors déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Johan. Je suis issu déjà d'une famille de syndicalistes acharnés. Ma grand-mère est retraitée encore. Parce qu'elle est encore vivante. Mais elle est retraitée de la CGT. Donc, elle travaillait à Montreuil. Elle était embauchée par la CGT. Mes grands-parents ont été plus que précurseurs de la Bourse du Travail à Évry. Donc c'est pour dire que si Valls connaît très bien ma famille, on a tous foutu la merde dans le 91. Et ce que je voulais dire en tant que proposition, voilà, je suis issu du... J'ai travaillé pendant 9 ans dans une PME. Les syndicats, avec tout l'amour que j'ai pour eux, bah dans les PME, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. Donc tout ce que je voudrais dire, c'est que la grève, c'est un vrai projet hein, en soi, la grève générale. Mais il y a d'autres méthodes, il y a juste une méthode. Et ça, c'est une vraie proposition pour tous ceux qui sont dans les secteurs privés ou alors qui ont des conditions où c'est difficile de faire grève parce qu'il y a des histoires d'argent, il y a des factures à payer, il y a des caisses de grève à monter, il y a tout ça. Donc j'ai passé des années depuis que je suis petit à parler de ça, à intellectualiser toutes ces luttes avec ma grand-mère et ma mère. Et donc on a vu un peu à la fois la chute et le renouveau de tout ça. Donc on a eu nos discussions sur les nuits debout en général avec bienveillance. Et il y a un autre mot que je voudrais rappeler, c'est le débraiement. Le débraiement, qu'est-ce que le débraiement? Je travaillais dans une PME, par exemple, on travaillait de 10 à 18 heures. On devait envoyer nos commandes du jour pour le lendemain. Ça veut dire que si on avait fait des débraiements à l'époque, simplement de terminer, de bloquer la journée de travail, vraiment bloquer les journées de travail avant que les commandes soient envoyées pour le lendemain, parce que dans le secteur privé, c'est pas comme dans le public, bah, on les aurait vraiment foutus dans la merde et on les aurait fait plier, sauf que les salariés ne suivaient pas à l'époque. Bon, j'avais une boîte un peu immature, voilà. Et donc ce que je voulais dire, c'était vraiment insister, il n'y a pas que la grève, même si la grève c'est le rêve de tout le monde ici, moi le premier, j'ai été élevé comme ça, c'est vraiment le débraiement. Voilà, je voulais juste en parler parce que j'en entends pas parler depuis que je viens au Nuit Debout depuis le début. Et voilà, toujours sur Radio Debout, toujours en direct de la place de la République, toujours le 87 mars et on est avec Marine, on reçoit Tariq et tous les deux. Marine et Tariq, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes plutôt pour le débraiement ou plutôt pour le débrayage? Le débrayage. Débrayage, allez. Tariq, on va... L'orthographe et le vocabulaire est une notion très bourgeoise, hein, mais... La preuve. Tariq, je voulais aborder un dernier sujet avec toi, c'est sur la répression, la violence policière et le travail policier. On a vu, moi, il y a une image qui m'a choqué, mais j'imagine qu'elle a choqué tout le monde, c'est ce jeune lycéen devant le lycée. J'ai peur, t'avais parlé de la voiture brûlée. Non, pas. C'est le jeune lycéen devant le lycée à qui un flic dit lève-toi, lève-toi, lève-toi, il se lève et il reprend une mandale, il s'effondre à nouveau par terre. Je pense que ça a beaucoup choqué, mais une des questions qu'on peut se poser, c'est dans une mobilisation de la jeunesse. Pour beaucoup, c'est la première mobilisation dans laquelle ils s'inscrivent. Comment quels effets ça peut avoir sur la jeunesse, ce niveau-là de violence et de répression? Est-ce qu'on a le courage de continuer après ça, tout bêtement? Je pense qu'il y a deux éléments. C'est que le premier, c'est que ça fait peur à plein de gens en fait dès le début. Dès le début de la mobilisation, et quand les flics, les CRS sont appelés et rentrent dans un amphi à Tolbiac au tout début de la mobilisation, clairement, en fait, quand tu n'as jamais fait de mobilisation, quand tu ne t'es jamais confronté à la police, etc., effectivement, en fait, ça rebute beaucoup de personnes. En tant qu'étudiant, mais comme toute personne. C'est-à-dire que là, j'avais l'exemple d'une copine qui est prof, moi, je suis aussi pion, et qui me disait qu'elle avait une amie qui voulait venir en manifestation, mais elle flippait parce qu'elle a peur de venir avec sa gamine en manif, et que, en fait, les lacrymos... C'est pas juste un truc qui fait pleurer, voilà. Et puis clairement, il y a une espèce de truc où on voit plus la police de la même façon, quoi. Pour ceux qui la voyaient d'une façon différente. Tu veux dire que c'est plus l'ambiance, c'est plus trop à chanter j'ai embarrassé un policier comme le fait Renault. Voilà. Non, c'est ça. Mais clairement, je pense que c'est pas anodin en fait si dans les manifestations tout le monde crie, tout le monde déteste la police, quoi. Et je crois que en réalité, on chante avec grand plaisir, quoi, parce que quand tu vois, moi, par exemple, la dernière fois, on était nassés, il y a une copine qui faisait une crise d'asthme, qui avait sa ventoline, qui tremblait de partout, qui avait les yeux qui partaient dans tous les sens, etc. Que les flics lui disent elle avait qu'à pas venir ici. Et c'est le même truc qui s'était passé sur Rémi Fraisse, qui se passe sur Rémi Fraisse. S'il avait qu'à pas manifester, il serait pas mort. Enfin, c'est quand même assez choquant en fait de se dire, enfin tu vois, il y a toute une période où les gens se disaient bon voilà, quand même la police française, on sait comment ils fonctionnent, machin, on a de la chance d'être en France, on peut manifester, etc. Avec l'état d'urgence, c'est plus le cas aujourd'hui. Les manifestations sont souvent interdites et il y a clairement des violences de partout. Enfin, c'est pas anodin, quoi. Depuis le début de la mobilisation, j'ai un pote qui a eu le bras pété, j'ai des potes qui sont c'était assez drôle, arrêté justement à Tolbiac aussi par les flics, violentés, etc. Et ensuite l'argument c'était il a jet projectile, et le flic savait plus bien si c'était une pierre ou une canette. Alors déjà le flic devait être un peu bourré pour pas reconnaître une canette de bière ou un caillou, mais en plus connaissant la personne, c'est aberrant. Et puis de fait on sait que moi personnellement, même si ça avait été le cas, entre une canette et les flashballs, les gaz qui séparent la manif du 1er mai, les coups de matraque et l'affaire dont tu parlais sur les lycées, on sait que y a aussi une répression sévère dans les lycées, je crois que c'est du 92. Dans le 92, où il y a à la rentrée scolaire. Et de la rentrée scolaire, un certain nombre de lycéens qui avaient manifesté ont été convoqués à la police directement et mis en garde à vue. Enfin, c'est des choses assez inédites. Ça fait plusieurs décennies de mémoire de militants, on ne se souvient pas trop d'avoir vécu ça, quoi. Clairement, mais il y a deux choses. C'est ou ça te fait peur ou ça te donne la rage. Et je crois que là, il y a pas mal de gens, notamment parmi les personnes qui étaient là depuis le début, etc., et qui ont vu un peu, pour utiliser la radicalisation de la police, ils ont clairement la rage. Et ils se disent, est-ce qu'on a perdu des yeux pour rien? Est-ce qu'on s'est pris des coups de matraque pour rien? Est-ce qu'on a des camarades qui sont encore aujourd'hui emprisonnés pour rien? Non, ça donne un élément de plus en fait pour se dire qu'on ira jusqu'au bout, jusqu'au retrait de cette loi. Et avec, si on peut l'avoir en prime, la démission de Valls et de Cazeneuve. Et si on peut l'avoir en plus ensuite, l'arrêt de l'état d'urgence, qui est une hypocrisie la plus totale. Vas-y Marine. Dire, c'est que cette radicalisation, comme tu dis, de la police, elle a totalement l'effet inverse et elle donne envie encore plus de se mobiliser. Ouais, clairement. Après, le mot radicalisation, c'était un peu une blague, parce qu'en réalité, je pense que oui, nous, on se radicalise. Si on prend ce que ça veut dire radicalisation, c'est-à-dire on prend les problèmes à la racine, etc. Par exemple, quand ils parlent de radicalisation pour des terroristes, je trouve que c'est problématique. Mais c'est autre chose. C'est-à-dire que je pense pas que les terroristes prennent le problème à la racine, par exemple, et que voilà, si on veut parler un peu de vocabulaire, oui, nous on se radicalise, oui, clairement, aujourd'hui, on peut discuter de quel est le rôle de l'État, de quel est le rôle de la police pour l'État et pour plus largement la bourgeoisie, la grande bourgeoisie, pour le dire avec certains mots, le capitalisme, si on utilise d'autres mots, ou les 1%, quels que soient les mots qu'on emploie, on a tous compris en fait que la police était le bras armé du gouvernement et d'une logique en fait, on nous dit on n'a pas le choix, c'est le fameux there is no alternative de Thatcher. Donc le gouvernement nous dit on n'a pas le choix, on doit faire cette loi et on la fera coûte que coûte. Ça on n'y croit pas, hein. On sait que tous les gouvernements ont toujours fait ça, et que derrière on a la police pour faire le coup de balai quoi dans ces manifestations. Mais ça en réalité ça marchera pas. Il y a le deuxième aspect qui est celui justement des médias qui viennent derrière décrédibiliser tout ça et dire les bloqueurs sont des preneurs d'otages quand on sait la période actuelle et comme ils ont essayé de nous faire tout un discours sur Charlie etc derrière, et qui viennent nous parler de prise d'otages pour des salariés qui défendent leur roi, c'est quand même assez fort de café, comme disent les jeunes. J'ai 23 ans, ça ne va pas du tout. Non, mais là, tu nous faisais... Parce que aussi, tu fais un peu la version warrior dans ton récit, parce que, y compris, ça veut dire que désormais, pour manifester pour le droit du travail, ça veut dire que la question de la conviction ne suffit plus. Il y a aussi besoin de courage, etc. Moi, c'est un des trucs qui me pose problème. C'est-à-dire que pour s'opposer à la loi travail, et si on ne veut pas se contenter de signer une pétition, il faut c'est plus compliqué, parce qu'il y a la peur qui se mêle dans le jeu. Bien sûr, mais ça c'est... Pour moi, c'est une vérité. C'est-à-dire, bien sûr qu'en fait, c'est le rôle de la police et c'est le jeu du gouvernement. C'est ce que veut le gouvernement. C'est qu'on flippe d'aller en manif, et on flippe d'aller en manif. Plusieurs fois, je me retrouve les yeux fermés comme un con à avoir lâché la chaîne de mon cortège, de me retrouver à plus savoir où je suis et plus savoir quoi faire. Donc oui, c'est le jeu du gouvernement. Ils essaient de nous faire peur et ils n'y arriveront pas. Tariq, merci pour tout ce que tu nous racontes sur le mouvement. On se retrouve, j'imagine, la semaine prochaine pour tes nouvelles aventures. Cette fois-ci, tu vas faire un reportage où ? Je sais pas, ça dépend. On aura gagné donc sur la grande fête qu'il y aura à République, la fête de victoire contre la loi travail, certainement, parce qu'on va gagner, là, c'est sûr. À la fin, c'est nous qu'on va gagner. Et merci, ouais. Tariq. Je vous propose de partir maintenant au Havre, puisque si tout va bien, on est avec Gildas au téléphone. Gildas, qui est au Havre, tu m'entends ? Oui, je t'entends. Bonjour Gildas. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui se passe ? Toi, tu es docker. Qu'est-ce qui se passe au Havre ? Est-ce que la situation est aussi enthousiasmante que ce qu'on a pu nous en dire ? Pour le moment, oui, je suis d'accord avec ça, c'est enthousiasmant. Donc, pour faire un petit point, donc, depuis la dernière fois, je suis passé à l'antenne. On a eu du coup le mouvement de la CIM du Havre. Donc, la CIM, c'est quand même 40% des importations pour la France de pétrole, qui dessert plusieurs raffineries locales, qui dessert les aéroports parisiens et aussi qui dessert aussi par le fluvial du coup, donc qui est en grève depuis maintenant quelques jours et ça fait maintenant à peu près 3 jours qu'on est sans cesse sur place pour relever les collègues au piquet de grève et maintenir le blocage sur l'entrée de la CIM. Donc Ouais. Est-ce que pour un béotien comme moi, est-ce que tu peux m'expliquer quel est l'enjeu du blocage de la CIM ? Qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Le blocage de la CIM au Havre, c'est quand même... ça joue gros parce qu'on joue quand même sur toute l'entrée de pétrole pour quand même une grosse partie... comme je disais, la CIM, c'est quand même 40% des importations de la France niveau pétrole. En sachant que quand même la France produit 50% et en fait importer 50% aussi. Donc voilà. Et ça ne peut pas passer par ailleurs. Ça peut pas passer par ailleurs que par vous. Vous êtes un point incontournable. Ah bah oui, là les 40% d'importation passent par la CIM. Donc si la CIM est en grève, ça bloque tout. Et là on a eu confirmation par l'AG de la CIM aujourd'hui. Ils ont refusé l'approvisionnement de raffinerie par la route, par le fluvial aussi qui a été bloqué, et les pipelines aussi. Il ne faut pas oublier que la CIM est raccordée en pipeline directement dans les aéroports parisiens. Donc là, c'est vraiment Là, ça va que engendrer plus la pénurie d'essence. Hein. Et donc pour l'instant, c'est satisfaisant sur ce point-là, quoi, parce que nous, on ne fera rien là-dessus. Et maintenant, on attend des réponses du gouvernement, mais ça n'a pas l'air d'être décidé à bouger par là-haut. Mais alors, du coup, explique-moi, toujours sur des choses un peu techniques, bah, combien de jours il faut que vous teniez avant qu'il n'y ait plus d'aéroport qui décolle de Roissy ou d'Orly, par exemple, okay. Vous en êtes où, là? C'est quand que vous gagnez? Alors, par rapport à ça, sur le stock, sur les aéroports parisiens, moi, je ne peux pas te le donner, je ne suis pas au courant de ça. Par contre, comme je te disais tout à l'heure, c'est que la CIM donc, livre des raffineries locales. Là, par exemple, la raffinerie Exxon, qui est située sur Notre-Dame de Gravenchon. Donc le refus a été donné de le livrer en pétrole. Apparemment, Exxon lui resterait plus que 2 jours de fabrication, de matière brute à produire. Après ça, malheureusement, Exxon ne pourra plus travailler parce qu'il sera bloqué aussi par rapport à ça. Alors, toujours sur votre mouvement, là, tu parles de la mobilisation. Ici, moi, j'ai vu des gens toute la journée, il y avait la manif. On parle beaucoup de vous. Est-ce que vous avez beaucoup de solidarité? Est-ce que vous voyez de la solidarité en œuvre avec votre mouvement? Sur là, oui, on peut dire qu'on est solidaire. Quand on entend le gouvernement et les politiciens dire que le peuple s'essouffle dans les blocages, jeudi dernier, on était à peu près 20 000 au Havre à manifester. Aujourd'hui, grosso modo, ça a été recensé à 30 000 personnes. Donc, pour moi, l'essoufflement, je ne sais pas, il est où. Il est bien loin. Tout le monde se rallie à la cause. Donc vraiment le mouvement, je crois vraiment là est bien engrené. Voilà, faut pas oublier que tout le monde se met dedans, les retraités, les actifs, les chômeurs aussi, eux se sentent concernés et sont là. Tout le monde se mobilise pour cette cause. Donc c'est vraiment bien, on est tous les mains dans la main pendant dans ce mouvement-là. Et non, c'est vrai que nous sur le Havre, tout le monde se sent concerné. Voilà. Il y a même eu une création d'une page, une page d'actualité qui est partie à la base sur un simple délire entre amis. Voilà. Et en fin de compte, cette page est en train de cartonner sur le Havre, où ces personnes-là sont présentes sur les points de mouvement. Et du coup, les Havrais qui, malheureusement, ne peuvent pas se déplacer ou ne peuvent pas être présents sur les mouvements en question, peuvent suivre les événements. Et actuellement, cette page-là marche très bien. Alors Gildas, j'ai bien regardé le journal de France 2 ces derniers jours et je trouve qu'il paraît que vous faites beaucoup de résistance au changement et que vous êtes une minorité qui prenait en otage l'ensemble du peuple français. Vous n'avez pas été élu pour ça. Qu'est-ce que tu peux dire pour ta défense? Parce que Poujadas est très en colère après toi. Hein. Une minorité, je vois pas d'où il parle d'une minorité, parce que là, vraiment, on est vraiment tous ensemble. Après, oui, voilà, qu'est-ce qu'on entend, c'est... là, ça parle en syndicalisme, mais la CGT ne dirigera pas la France. Après, nous, on veut juste faire comprendre nos convictions. La plupart des Français n'est pas d'accord avec cette loi, donc on va pas s'asseoir dessus et on va pas leur dire « Oui, monsieur, faites passer cette loi et... » Pour prendre premier deux mots, les obligeants de nous la mettre profond, hein, mais non, on va pas se laisser faire là-dessus. Et après, ouais, de dire qu'on est peu à se bouger, je pense pas. Je pense que justement, on fait bien parler de nous et ça commence vraiment à déranger. Donc c'est ce qu'il faut, si ça commence à déranger, ça continuera dans le sens. voilà. Ok. Dis, écoute, je sais pas quoi te dire. Nous, on compte beaucoup sur vous pour tout te dire. On espère que vous allez tenir bon au Havre et dans toutes les raffineries. J'ai encore fait un tour hier pour chercher de l'essence. Ce que je peux dire, c'est que c'est bien parti. Hein, c'est que c'est bien parti. Et c'est pas demain que ça va changer de discours. Hein. On est tous unis dans la même décision. Et pour l'instant, on fait, on maintient. On essaye surtout de se maintenir sur les points de grève, relayer les camarades qui y sont, et puis bien sûr qui rentrent un petit peu se ressourcer auprès de leur famille. Alors je crois qu'on a perdu Gildas qui était donc au Havre. Mais enfin je crois que l'essentiel était dit. On espère que les copains du Havre et des raffineries vont tenir le coup. En parlant de tenir le coup, je me tourne vers Martin qui est allé voir la manif d'aujourd'hui. C'est si ça, j'ai bien c'est compris. Ça, un après-midi dans les rues de Paris, hein, nouvelle manifestation à l'appel des syndicats de la CGT qui ne dirigera pas la France apparemment, on l'a entendu. Donc d'abord pour les chiffres, comme ça c'est fait, 18 000 et 100 000 personnes à Paris, d'après la CGT, d'après la police, 153 000, 300 000 en France, oui, l'inverse exactement, 153 000 d'ailleurs selon la police, 300 000 en France, donc je vous laisse faire les calculs, chacun, ces chiffres ne veulent plus rien dire du tout maintenant. Mais quoi qu'il en soit, ces chiffres sont bien supérieurs aux chiffres de mardi et de jeudi dernier. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que ces chiffres sont supérieurs aux chiffres des précédentes manifestations. On retient aussi 77 personnes interpellées dans toute la France, donc ça fait quand même un score pas mal ouais. Qui reste dans ce score-là, par contre, il reste stable. Il est toujours là. Voilà, donc à Paris, le défilé a quand même été moins tendu que les fois précédentes, hein. Surtout la présence de policiers s'est fait quand même un peu moins lourde, pas forcément beaucoup de CRS en fait sur le parcours de la manif, alors qu'avant on avait l'habitude d'avoir des CRS qui faisaient la voiture balai ces derniers temps. Donc c'était surtout à l'arrivée à Nation et dans les rues adjacentes que là il y a eu forcément des échauffourées car les CRS étaient là. Surtout pour les CRS, le but c'était pas de manif sauvage, ça c'était la grande crainte, hein, des forces de l'ordre. Sur la place donc aussi sur l'avenue Dominine, quand une partie du cortège a essayé de partir en manifestation sauvage, là ça a été un peu compliqué. Du coup, vu que c'était un peu plus calme, j'ai pu faire des rencontres, on va dire, un peu différentes au cours de la manifestation que celles dont on a l'habitude d'avoir, les militants, les CRS, etc. Ça a commencé place de la Bastille avec un groupe de personnes, alors inhabituelles dans ces manifestations de loi travail, ils sont en chasuble orange barré CFDT. Donc on les voit pas trop. Voilà. Alors pourtant Laurent Berger, hein, le secrétaire général du syndicat CFDT, est pourtant cul et chemise avec le gouvernement actuellement. Et pour Norbert, qui fait partie de la CFDT Métallurgie, c'était une quinzaine en tout, c'était pas une raison pour déserter la manif. Des adhérents et des mandatés CFDT qui sont opposés à cette loi. L'attitude de notre secrétaire confédéral est à peu près équivalente à celle du Premier ministre et du Président aujourd'hui, qui vont au-delà de ce que du mandat qui leur a été donné. Donc la CFDT est bien présente pour certains dans les cortèges, dans les manifestations contre la loi travail. Bien sûr, la CFDT, la métallurgie est souvent présente. Il y a effectivement des militants d'autres organisations qui disent bah, « si vous n'êtes pas d'accord avec la confédération, rejoignez une autre confédération ». Il faut bien qu'il reste des éléments de résistance à l'intérieur de l'organisation. C'est sûr, mais du coup vous avez le cul un peu entre deux chaises quoi. C'est pas toujours très confortable, c'est vrai, mais on assume. Voilà, c'est pas toujours très confortable d'être à la CFDT aujourd'hui et dans les manifs. Mais alors donc, après la CFDT, rencontre finalement improbable sur cette manifestation, où t'ont porté tes pas dans cette manif? Un peu plus loin, sur l'avenue de Mouilly, j'ai trouvé un ancien candidat à la présidentielle, Olivier Besancenot, qui accompagnait les slogans de la CGT Énergie. Alors on en a profité pour parler des salariés d'Air France, qui seront demain en jugement au tribunal de Bobigny. D'ailleurs, il y aura une grosse journée de soutien, avec notamment un concert de Soviet Suprême. Donc on y sera, on en parlera sur Radio Debout, oui, voilà. Et pour l'histoire aussi des chemises déchirées, donc ça c'est pourquoi ils vont en jugement. Et de là, bien sûr, avec Olivier Besancenot, c'est souvent le cas, on a dévié convergence des luttes. On écoute. Ouais, c'est marrant là, j'étais juste là, t'as dû entendre comme moi. On pense à Air France, on pense à Goodyear. Ça a un goût de convergence des luttes tout ça, tous ces gens qui se réunissent comme ça? Bah ça a plus qu'un goût là, c'est la saveur. La saveur de la convergence des luttes, puisque c'est les convergences concrètes qui se font notamment sur les blocages cette fois-ci autour des raffineries. Où il y a des gens qui ont appris à se connaître dans des manifestations, sur les places, et qui maintenant agissent ensemble sur des actions concrètes. Je voulais savoir si à vos yeux, à tes yeux, c'était une suite de Nuit Debout, ça avait été lancé par Nuit Debout, ou si c'est la CGT qui juste monte les gros bras? Non, je pense qu'il y a une complémentarité entre tous les supports de la lutte. Nuit Debout en a fait partie, et en continue à en faire partie, comme les manifestations en font partie, comme les grèves reconductibles en font partie, comme les blocages sur les raffineries en font partie. Il faut voir les choses de façon globale. Une convergence des luttes, ça se fait dans les actes. Voilà. Les mouvements de masse, ils ne se décrètent pas. Personne ne peut les déclencher. En revanche... Ouais, c'est marrant, là. J'étais juste là, tu as dû entendre comme moi. Voilà, une autre chose à noter dans la manif, à part Olivier Besancenot, la forte présence de gens quand même casqués, avec des lunettes de plongée, tous prêts à peu près à affronter les lacrymogènes notamment, qui sont pas forcément aimés, même les enfants. Ça, c'est, oui, j'ai vu ça. Moi, c'est la première fois que je vois des enfants harnachés comme ça, comme une petite fille que j'ai rencontrée qui ressemblait quasiment à une tortue ninja à cause de son harnachement. Alors pour son papa, c'est le minimum obligatoire pour l'emmener en manif, il raconte ça. lancé par Nuit Debout ou si c'est la CGT qui juste démonte. Je vais savoir pourquoi la petite demoiselle a été casquée, prête pour la piscine avec les lunettes, etc. Bah parce que les manifestations commencent à devenir un petit peu dangereuses et qu'on a besoin de s'équiper maintenant. Je me faisais moi la réflexion justement ce midi en nous préparant pour la manif. Ça fait longtemps que je fais des manifs avec mes enfants. Et c'est la première fois que je suis effectivement obligé de protéger mes enfants de ce que peut faire la police dans une manifestation. Et c'est nouveau. Et c'est la police que vous craignez ? Évidemment, sans aucun doute, il n'y a que la police qui est dangereuse dans ces manifestations-là. C'est évident, c'est simple. Il y a évidemment beaucoup de fantasmes autour des casseurs, mais les casseurs dans les manifestations, ils protègent les gens, ils ne les tapent pas. Alors là, on peut résumer la tenue de l'enfant qui part en manif maintenant, c'est quoi ? Bah, la tenue de l'enfant, enfin le kit, c'est effectivement un casque, des lunettes de plongée, un masque pour le visage, de l'eau, du sérum phi, il faut avoir tout ça. Ça n'était pas le cas avant cette année. Je suis sûr que la petite fille adore aller en manifestation si elle a le droit de s'habiller comme ça. Ouais, je crois qu'elle était bien fan, Donc voilà, vous savez, si vous avez des enfants, tous les bons conseils pour emmener votre enfant dans les manifestations contre la loi travail. Alors finalement, la manifestation arrive à Nation. Ça s'est fait en fait en 2 voire 3 temps. D'abord, le cortège qu'on appelle maintenant des non-alignés, en tout cas des gens qui ne sont pas dans des syndicats. Le SO de la CGT fait souvent un stop et les laisse partir tout seuls. Alors bien sûr, dès qu'ils sont arrivés sur la place, on a le droit aux lacrymogènes, car les policiers les attendaient, et on sait que c'est toujours compliqué avec les policiers. Et ensuite, plus tard, on va dire 30 minutes plus tard, l'arrivée des syndicats au compte-gouttes. Chacun avait un peu son arrivée, ça faisait un peu Jeux Olympiques, tu sais. Ils arrivaient, ils étaient applaudis, c'était pas mal du tout. Donc finalement, c'était plutôt calme comparé aux fois précédentes, rien de très violent. Ensuite, il y a eu des tentatives de partir en manif sauvage. Je crois d'ailleurs qu'il y en a une qui a réussi à partir en manif sauvage, d'après les rumeurs. En tout cas, on confirmera ça plus tard dans la soirée. En tout cas, moi, j'ai pu en discuter de cette arrivée un peu plus calme, de cette manif un peu plus calme avec Anthony Caillé. Il est secrétaire du syndicat CGT Police et il fait un peu l'analyse, le bilan de cette journée. J'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui il y a quand même plus de fluidité sur la place. Ça montre bien quand même que les choses qu'on a dénoncées ces derniers jours ont quand même porté leurs fruits, puisqu'on a affaire visiblement aujourd'hui à une politique de maintien de l'ordre un peu plus consensuelle. On marque plus à la culotte le manifestant et on fait plus ce phénomène de nasse. On sent bien effectivement que la préfecture a pris conscience d'un certain nombre de choses, du message qu'on a essayé de leur faire passer, de leur dire que c'était dangereux de procéder de la sorte. Mais du coup, on voit tout le monde avoir ses lunettes, son casque, de plus en plus de gens, même des enfants, moi je crois des enfants tout équipé, tout le monde se met un peu sur son 31, c'est quoi, on monte en gamme peu à peu dans la violence, en tout cas dans la prévention de la violence. Si effectivement le constat est comme ça, je trouve ça dramatique, quoi, parce qu'il faut rappeler que la manifestation c'est quand même un droit démocratique quand même aujourd'hui. Moi quand j'entends le gouvernement me dire la CGT, et notamment la CGT, puisque c'est toujours la CGT qui est stigmatisée alors que d'autres centrales syndicales appellent à la manifestation, et de nous dire la CGT prend en otage, je sais pas moi, à 1 an et demi, à 6 mois des événements qu'on a connus dramatiques en France, il faut être prudent sur les mots, je veux dire, on joue sur les mots, on bloque le pays, on prend en otage, non c'est la grève, c'est un droit constitutionnel. Bah, merci beaucoup. Merci à vous, bon courage. Merci pour finir. Voilà, c'était avec la petite explosion de grenade assourdissante pour finir cette interview. Donc voilà, c'était une nouvelle manifestation contre la loi travail. La prochaine prévue, c'est le 14 juin. Il y aura d'autres choses d'ici là. Et bien sûr, Radio Debout sera là. Voilà, c'était les improbables rencontres au cours des manifestations contre la loi travail de Martin. Martin, merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est après la manif, de retourner à l'Assemblée Générale. On va retourner en direct, voir ce qui se dit sur la place de la République. Parce que je le connais, parce que c'est un camarade de Paris 8, mais il y en a tous les jours qui sortent avec des condamnations qui sont absurdes, mais totalement absurdes, ou plutôt en fait largement politiques, parce que le gouvernement, on sait que la répression, elle a augmenté de façon croissante, elle a été très très dure contre les étudiants et les lycéens qui sont sortis dans la rue pendant 3 mois, et aujourd'hui elle va largement de façon croissante. Demain, il y a le procès d'Air France, auquel j'espère qu'on sera nombreux, c'est peut-être les premiers qui ont remis un petit peu un souffle de révolte des travailleurs dans ce pays à une époque en octobre dernier avec les arrachages de chemises, mais plus largement que ça, il y a un truc vraiment à faire, à prendre en charge la répression, à prendre en charge chaque cas de camarades qui passent aujourd'hui dans les comicos, qui passent aujourd'hui et qui se prennent des peines de prison avec sursis ou même de prison ferme pour avoir simplement manifesté, pour avoir simplement réclamé le retrait de ce projet de loi que personne ne veut dans le pays et que le gouvernement passe en force. Donc voilà, soyons nombreux dès demain et prenons plus en charge cette question-là, à mon avis, qui est une question centrale du mouvement. Est-ce qu'on va se laisser intimider ? Est-ce qu'on va laisser les raffineurs se faire intimider sur leur piquet de grève dans une situation que le gouvernement, il peut pas tenir. On a tout intérêt à le prendre en charge, à être nombreux demain et à réellement se solidariser, faire une caisse. Je sais pas, il y a plein de moyens de prendre en charge cette question-là. Mais voilà, je suis grave en colère pour Baptiste et pour tous les autres camarades que je connais pas, mais qui passent en procès tous les jours et qui se prennent des peines de prison, quoi. Pour info, donc 21h. Au reste, Roberta et Cédric ensuite. Je rappelle qu'on est sur un ordre du jour, que notre premier point, c'est bilan et perspective, qu'il y a des propositions qui ont été énoncées. Si on pouvait avancer sur ces propositions-là, qu'on aboutisse éventuellement à un appel à des actions communes, ce serait idéal, à mon sens. Salut. Donc, petite remarque sur la première tentative de manif sauvage. Dans la rue à droite, on était plusieurs à être nassés et il y a beaucoup de gens autour de moi, dont moi, on a commencé à vomir. Et d'après d'autres camarades, il pourrait y avoir du gaz vomitif incapacitant parce qu'il change en fait les recettes, quoi. Donc voilà, voilà. Je voulais parler de stratégie. Je voulais parler de l'importance des blocages. Donc la raffinerie la plus proche de Paris, elle s'appelle Grand Puy. Elle est à genre une heure de bagnole. En transport, c'est beaucoup plus long. Je pense que c'est important de bloquer là. L'État français est en train d'entamer ses réserves stratégiques, s'il y a des gens qui ont suivi. Et à partir de là, réserves stratégiques, ça commence à devenir bien intéressant et à bien les faire chier. Même si on ne peut pas se rendre à Grand Puy ou sur les centrales nucléaires, Nogent ou quoi, je pense que c'est important de penser à des blocages coordonnés parce qu'ils ne peuvent pas être partout en même temps, donc forcément. Niveau stratégie, en fait, il est important aussi de parler, de pas rester entre guillemets entre nous, enfin je sais pas comment vous faites, mais dans les transports ça marche. Moi j'ai parlé à ma voisine du dessus, etc. Des gens improbables, tu sais pas ce qu'ils pensent au niveau politique. Et en fait j'ai eu la bonne surprise de voir des gens qui étaient qui ont bien conscience qu'ils sont plus du tout dupes, quoi. Ce qui est important en parlant avec ces gens qui se sentent pas encore tout à fait prêts à agir ou quoi, ou bon, qui sont dans des situations routinières ou autres, en les écoutant, on se rend compte qu'il y en a une partie qui a peur. Parce qu'ils disent oui, mais bon, qu'est-ce qui va se passer ? Donc c'est important de les rassurer, de leur faire comprendre qu'on n'a plus rien à perdre et tout à gagner. Et donc de les... Ouais. Parce que les idées, c'est nous. Les experts, c'est nous. Et l'avenir, c'est nous. De l'autre côté, il n'y a rien. Je pensais aussi, pour alimenter les caisses de grève, etc., de faire des concerts de soutien. Ça marche. Ça a déjà marché sur d'autres luttes. Ça peut être bien. Pour bloquer aussi, je pensais aussi à une commission blagues et farces, qui pourraient penser à des petites choses qui les embêteraient. Je sais pas, par exemple, on prend les... Hein ? Pardon ? Oui. Par exemple, emballer les feux rouges. Alors, il y a des caméras de vidéosurveillance, donc habillez-vous, mettez des sombreros et tout, et puis ça peut être marrant de bloquer tous les feux rouges, entre autres. Allô ? Oui, tout le monde m'entend. De la banane. J'ai soif, je veux boire du lait coco. jolie, jolie madame. En direct de la place de la République à Paris, Radio Debout. Et vous êtes toujours donc en direct de la place de la République dans le 11e arrondissement de Paris. On est sur Radio Debout et avec moi il y a Asna qui donc va nous parler de la situation de ces foyers de jeunes travailleurs migrants qui s'appellent les foyers Coalia et Adoma. Alors déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer, Asna, qu'est-ce que c'est que ces foyers? Qui est-ce qui y vit? Alors, bonsoir d'abord. Bonsoir, ouais, donc, déjà. Oui, dans ces foyers, ben, il y a des sans-papiers, hein, voilà quoi. Et pas mal, ils travaillent. Ils travaillent, hein, ils ont des bulletins de salaire, ils payent leurs impôts, voilà quoi. Et surtout, c'est des enfants de tirailleurs africains. Il faut bien le préciser. Voilà. Donc, c'est pas rien. Voilà. Et alors dans ces foyers, la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une descente de police dans ces foyers. Qu'est-ce qu'ils c'est ont fait? C'est une descente que moi je dirais, je catalogue de rafle. Osons le dire le mot, c'est le mot rafle. Et donc, c'est un mot très fort ça. Oui. Et de par le passé, oui, à la Deuxième Guerre mondiale, et aussi en 61, le 17 octobre 61, il y a eu cette même rafle avec assassinat d'un chiffre conséquent d'Algériens qu'on a aligné contre le mur. Et puis parce qu'on leur a interdit de manifester en 61 pour l'indépendance algérienne. Mais donc là, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc alors, il y a eu une descente rafle dans les foyers. Les foyers, c'est des foyers qui appartiennent à Coalia et Adoma. Donc Coalia, bon, je n'ai pas l'adresse exacte, mais Adoma, c'est rue Tellier, métro, rue Diderot. Voilà. Et donc ils ont enfoncé les portes? Bah, c'est-à-dire ils sont entrés dans l'immeuble foyer, et donc ils ont vu avec le responsable, ils leur ont dit oui voilà qu'on va faire des perquis dans les chambres. Voilà, il y a quelques-uns qui étaient présents, je veux dire les occupants des chambres. Ouais. Il y en a d'autres qui n'étaient pas là, donc leurs camarades ont parlé à leur place. Vu qu'ils sont absents, ils n'ont pas le droit de s'introduire dans la chambre de quelqu'un qui est absent. Mais de toute façon, c'est quelque chose de très violent d'enfoncer la porte de la chambre de quelqu'un tout où est la propriété privée là-dedans. Tout à fait. Une chambre, même si on est dans un foyer, dans un centre d'hébergement, dans un hôtel, c'est quand même privé. Voilà. Et puis ils payent leur loyer, hein. Voilà quoi. C'est des personnes qui payent leur loyer. C'est vrai que c'est pas à la hauteur d'un loyer d'une location d'agence, mais ils payent leur loyer. Donc voilà quoi. Et alors en ce moment il y a un petit peu le problème, c'est qu'il y a un conflit entre les locataires et ceux qui louent, donc Coalia et Adoma, parce que les locataires voudraient habiter ces lieux à leur façon. Qu'est-ce qu'ils demandent en fait? Bah qu'est-ce qu'ils demandent pour une vie plus humaine et surtout qu'ils reçoivent des gens qu'ils connaissent, de la famille, ou même nous, quand on a soutenu des réfugiés et tout, on est devenu presque leur famille. Je parle des soutiens. Oui, on est venu une famille. Donc, ils interdisent aux soutiens et des connaissances proches de venir les visiter. Et puis, il y a l'histoire des parties communes aussi? Oui. L'histoire des parties communes, bon, je j'ai pas vraiment connaissance, mais bon, moi, ce qui m'a choqué, hein, parce que bon, il faut dire le mot tel qu'il est, c'est des agissements d'un autre temps. C'est-à-dire? D'un autre temps, c'est-à-dire bah, de trucs par rapport à quand on était en état de guerre, enfin la vraie guerre, aussi bien en 14 qu'en 45, et bah, il y avait une certaine communauté qui avait subi le déni humanitaire, l'immoral, l'immonde. Donc, mais j'ai l'impression que l'histoire se refait, recommence. Sauf qu'on n'a pas affaire à la même population. Voilà. Et alors, Tu parlais de rafles, justement, il y a eu des arrestations. Il y a eu une cinquantaine de personnes en situation illégale, donc migrants et réfugiés qui ont été arrêtés. Ils sont tout où à maintenant fait. Je ne sais pas. On ne sait pas. Différentes assos et collectifs ont essayé de contacter les différents commis qui sont proches des foyers, quoi. Voilà, quoi. Tels que l'arrondissement du 12e, ils ont contacté, ils ont fait le tour de tout ce qui est commis dans le 12e. Donc, c'est l'être morte, c'est le mystère, c'est... On ne sait pas. On ne sait pas où ils sont. Tu parlais même de prise d'otages ? Oui. Oui. Pourquoi ? Une assoce ou un collectif, ou même nous en particulier, ou les citoyens, qui vient à s'approcher du commis pour savoir où ils sont, on a le droit à une réponse. Voilà. Et alors, donc, tout à l'heure... Pour moi, oui, j'oserais utiliser les propos d'une prise d'otage. Et tout à l'heure... Pour protester justement contre ces pratiques indignes, comme tu le disais, d'une autre époque, digne des heures les plus noires de l'histoire de France, vous avez organisé un rassemblement. Ça s'est passé où et quand ? Alors, ils ont organisé un rassemblement lundi soir. Bon, ouais. J'y étais pas parce que bon, on était avec les réfugiés à Stalingrad, j'étais occupée. Et par contre, aujourd'hui, j'ai pu y aller. J'étais à la manif d'abord de la Bastination contre la loi travail. Et puis après, j'ai su à quelle heure il y avait un rassemblement à côté le siège de Coalia qui se trouvait boulevard Diderot, à rue Diderot, le métro. Ouais. Et puis on a été faire un rassemblement pour demander la libération de nos camarades. Et aussi exiger, au moins exiger. Savoir où c'est ils une sont, exigence, quoi. Hein. C'est une exigence. La fermeture des centres de rétention. Des CRA, oui, des et centres surtout, de rétention. Et surtout, stop les rafles. Stop les rafles, c'est tout. Parce que c'est un être humain et non pas une bête. Ouais. Voilà. C'est indigne. Indigne de la France. Indigne de Cazeneuve, de Valls et de Hollande. Indigne d'eux. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Asna. Merci beaucoup. Donc on rappelle que ce sont des événements qui se sont produits dans les foyers Coalia et Adoma, des foyers de jeunes travailleurs où il y a eu, on peut le dire, hein, où il y a eu des rafles, il y a eu une cinquantaine de personnes qui ont été arrêtées. On ne sait toujours pas où elles se trouvent, probablement dans un centre de rétention administratif, mais où, on ne sait toujours pas. Voilà. Ou expulsées, dans leur pays d'origine ou dans le dernier pays d'Europe où elles ont été enregistrées. Merci beaucoup Asna. Et là-dessus, on va enchaîner sur un autre sujet, quelque chose de moins pesant, mais de tout aussi intéressant, puisque avec moi, il y a Adrien, qui est citoyen et qui est participant régulier à Nuit Debout. Salut Adrien. Salut. Alors, toi, tu me proposais tout à l'heure d'innover, parce que pour toi, en fait, dans l'action, il y a deux types d'actions. Quels sont ces deux types d'actions ? Il y a deux types d'actions. Il y a une action mobile et une action statique. Et... D'ailleurs, j'en profite pour dire que le Front National s'est approprié l'action statique pour la première fois depuis, je crois, 15 ans ou 20 ans, depuis qu'elle fait le 1er mai. C'est la première fois qu'elle manifeste de manière statique. Et du coup, elle récupère une idée, un concept de l'occupation des places, qui est un droit, à son compte. Donc il serait peut-être temps de définir ce que c'est que l'action légitime. Parce que pour toi, il y a une action légitime et une action illégitime, c'est-à-dire ? Alors, c'est peut-être un peu plus nuancé que ça. Il y a une action... L'action légitime, elle consiste à, surtout aujourd'hui, à l'heure qu'il est, occuper des places pour mieux soutenir les grévistes. Et là, je parle d'actualité récente. Il faut occuper, continuer à investir les places et à éplucher des patates pour les cantines, à faire de la médiation politique, à transmettre des savoirs avec les gens en général, et surtout donner à manger aux grévistes et éventuellement les fonds de caisse pour les pensions des enfants des grévistes qui vont être en défaut de paiement. Ça, c'est une action légitime. Par contre, faire le carnaval toutes les semaines, pour moi, c'est illégitime. Parce que pour toi, une manif, c'est un carnaval. Pour moi, en France, la manifestation, c'est un carnaval. Mais attention, c'est aussi un droit. Et je trouve ça tout à fait légitime de manifester. Simplement, dans le contexte actuel, il vaut mieux manifester de manière statique pour mieux soutenir, surtout aujourd'hui, à l'heure qu'il est encore, je me répète, des grévistes qui en prennent pour leur grade au niveau du porte-monnaie. Et du coup, il faut les soutenir. Et c'est cohérent. Et Et du coup, il faut continuer à investir les places plutôt que de manifester, ou manifester à une fréquence de manière plus espacée dans le temps. Et on aura du coup davantage de monde. Et alors d'ailleurs, tu disais que une des conséquences totalement involontaires de cette manifestation, c'est qu'ici, la place, elle risquait d'être évacuée en fait. Oui, alors effectivement, la conséquence directe, c'est que les gens, la nuit, pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, la place n'est plus libre la nuit. Nuit debout n'a plus le sens qu'il avait au départ. Mais il y a une tolérance, c'est culturel en France, et c'est bien d'ailleurs, c'est ce qui fait la qualité de la France, sa qualité politique. Ouais. Simplement, le problème, c'est que la France déresponsabilise, et du coup, elle punit. Donc quand il y a une action, on punit. Et du coup, il y a une réaction. Action, réaction. Et du coup, punit un certain type de public, à savoir les SDF qui sont juste à côté de nous d'ailleurs, juste à côté de Radio Debout. Voilà, les clochards qui sont à côté de nous et qui, le soir, sont obligés de quitter la place, même si elles peuvent revenir, mais ça casse l'ambiance. Et du coup, ils ne peuvent pas s'installer en village et se sociabiliser et être ensemble, parce qu'en général, ils sont isolés. Donc ça, c'est une conséquence directe des manifestations. Indépendamment du pacifisme de la manifestation. Et d'ailleurs, et donc c'est pour ça que pour toi, il faut privilégier des manifestations statiques. Elles peuvent être de quel type, ces manifestations statiques ? Elles peuvent être de trois types. Elles peuvent être en milieu urbain, en plein centre-ville comme à République, elles peuvent être dans les quartiers et elles peuvent être dans les campagnes. Parce qu'il va falloir commencer à cultiver nos jardins, parce que recycler la nourriture pour la cantine des places, à un moment donné, c'est comme l'essence, il va falloir trouver des alternatives. Et là, on est concrètement face à une situation où on est obligé de proposer, être force de proposition d'alternatives. Et il faut construire, fabriquer des carrioles sur toutes les places pour proposer une alternative aux gens qui ne pourront pas, et c'est toujours les mêmes, qui ne pourront pas mettre de l'essence dans leur voiture, parce qu'on privilégie toujours une catégorie, forcément. Enfin, c'est pour ça que tu dis que, justement, en fait, la bonne action, c'est l'action qui innove. C'est quoi ton idée de carriole ? Explique-la aux auditeurs. L'idée de la carriole, elle commence à s'installer au niveau de la logistique, au niveau de la commission structurelle de la logistique, avec des remorques à vélo. Et l'idée de la carriole, c'est de faire une belle carriole, de nombreuses carrioles à vélo, voire des bus à vélo, pour pouvoir transporter les gens et transporter le matériel. Et ça, c'est une alternative logistique, à la logistique traditionnelle. Mais il y en a d'autres. C'est aussi pour illustrer l'idée que même quand on n'aura plus d'essence, et si vraiment le pays est bloqué, on ne pourra pas acheminer des plantes d'ailleurs, et il va falloir les faire pousser en serre ici en France. Je ne veux pas parler du cannabis, mais bon, je vais parler du titoui. On pourrait développer sur les plantes qui soignent des plantes anti-infectieuses. C'est une alternative à l'infirmerie de synthèse. Oui, en fait, en gros, l'idée, c'est que plutôt que de faire face au mécontentement et de scinder un petit peu la population en deux, notamment avec ces grèves d'énergie, il faut développer la solidarité, c'est ça ? C'est une forme de solidarité, c'est une forme de convergence, je dirais plutôt. Parce que la convergence, elle a été appropriée par des groupes de gauche qui, effectivement, sont venus en premier sur la place au niveau historique. Mais il faut qu'il y ait une convergence, je parlerais plus d'une vraie convergence. Une convergence, c'est-à-dire qu'un soutien, en l'occurrence, aux grévistes, par exemple. Qui plus une convergence, mais c'est évidemment une forme de solidarité, parce que ça veut dire que si on ne fait pas de manif, on pense aussi à la réaction et à l'évacuation de la place et au fait que les gens les plus... C'est toujours les mêmes qui payent, finalement. Oui, c'est pas faux. Eh bien, on va peut-être repasser par l'AG avant d'enchaîner. Non, on n'enchaîne pas du tout, on enchaîne avec un jingle. Je suis seule ce soir, j'ai pas envie de dormir, j'ai un peu le cafard, j'ai pas envie de mourir. Radio Debout, je cherche son adresse. Au milieu d'Internet, on m'a dit mixer, mais je sais pas l'écrire. Il paraît que c'est bien, j'en ai vraiment besoin, j'en ai vraiment besoin. Voilà, l'atelier qui fabrique les génériques pour Radio Debout est excessivement performant. On est toujours place de la République, à quelques pas de l'Assemblée Générale qui se déroule une fois de plus en ce 87 mars désormais. On est avec Patrick Lemoyle, Patrick qui fait partie entre autres de la Fondation Copernic. Et on discutait du mouvement actuel tel qu'il est en train de se dérouler, et je voulais profiter de ton grand âge et de ton intérêt pour l'histoire du mouvement ouvrier et des mobilisations ouvrières et populaires pour discuter un peu, parce qu'il y a pas mal de on cherche toujours des points de comparaison à ce qui est en train de se passer, ce mouvement espèce de mouvement social de basse intensité avec des formes un peu particulières, etc. Alors on compare ça pour certains à mai 68, mais je crois qu'on compare tous les mouvements à mai 68, on compare ça à décembre 95. Est-ce que tu vois dans ces mouvements des formes de continuité, des ruptures, des filiations ? Bonsoir. Écoute, moi je trouve qu'il y a énormément de choses nouvelles dans ce mouvement. D'abord, quand on compare à 36-68, c'était des grèves générales, des blocages de l'ensemble de la société, des millions et des millions de grévistes, hein. Entre un tiers et la moitié des salariés à l'époque en grève pendant 3 semaines, 4 semaines. Donc là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Quand on compare à 80... Mais je pense que c'était une période où les grandes concentrations ouvrières étaient extrêmement massives et majoritaires dans le salariat. C'est-à-dire que la grande industrialisation commence dans les années 30 et finit dans les années 70. Et là, on avait des grosses concentrations ouvrières très organisées, très mobilisées, et qui, quand ils bloquaient le pays, qui bloquaient le pays. En 95, on a un autre cas de figure qui est celui des cheminots qui bloquent le pays, mais avec une vraie corporation qui bloquait le pays par sa place dans la société. On n'a pas tout ça aujourd'hui. Alors 95, il faut juste rappeler, c'est Juppé, le fameux Juppé dont on entend à nouveau parler aujourd'hui, qui est Premier ministre et qui tente de faire passer une réforme assez radicale du régime des retraites. C'est ça, c'est le début des réformes des régimes des retraites sur les régimes particuliers des cheminots, justement. Bon, mais là, tout le monde se rend compte que derrière les cheminots, il va y avoir les autres, donc il y a une mobilisation qui s'enclenche derrière les cheminots de millions de gens. En 2010, on a là une réforme globale des retraites qui implique les gros secteurs de la fonction publique. Les grandes manifestations de 2010 étaient assises principalement sur les grands secteurs de la fonction publique, avec une partie du privé plus limitée. Aujourd'hui, on n'a pas tout ça. C'est-à-dire qu'on n'a aucune de ces caractéristiques-là. Par contre, on en a beaucoup d'autres. Alors, la première, c'est que c'est la première fois depuis qu'existent les forces politiques telles qu'elles sont qu'il y a une mobilisation prolongée, massive, radicale contre le Parti socialiste, contre un gouvernement dit de gauche, ou que les gens qui ont élu ce gouvernement se battent contre celui-ci. Ça, c'est la première fois. La deuxième chose qui me semble très, très, très importante, c'est que les formes de la désorganisation des grandes concentrations ouvrières, la désorganisation des lieux de travail, l'individualisation, tout qui a cassé une série de collectifs, a pour conséquence qu'il y a des grandes difficultés dans plein de secteurs à ce qu'il y ait vraiment des grèves, hein, des grèves structurantes, comme celle des cheminots en 95. Hein. Et par contre, ce qu'il y a, c'est émergence de nouvelles formes de politisation, d'action, etc. Nuit debout est un exemple qui prend des formes très différentes d'une ville à l'autre, d'ailleurs, parce que c'est plus ou moins massif. Enfin, voilà, les formes sont très différentes. Mais l'idée qu'on a envie de se préoccuper de cette mobilisation, même si on n'est pas dans une boîte, même si on ne peut pas faire grève, même si on n'est pas dans un syndicat, etc. Et ça, avec une volonté d'échanges horizontaux, qui est un truc extrêmement nouveau dans la vie politique et sociale de ce pays. Et la deuxième chose, c'est le lien qu'il y a entre les gens les plus mobilisés, c'est-à-dire les centaines de milliers de personnes qui manifestent, mais qui sont moins nombreuses qu'en 2010, oui, avec un autre phénomène, c'est qu'il y a 75% de la population, 70, 75% de la population qui continue à être contre la réforme El Khomri. C'est-à-dire qui continue, dans le cadre des sondages. Dans le cadre de tous les sondages qui sont opérés, et qui est, me semble-t-il, pas seulement la question de la réforme El Khomri, mais un refus global du monde que tous les possédants veulent nous imposer. Parce que je pense qu'il y a quand même les 60-65% des gens qui sont contre la réforme El Khomri, ils n'ont pas dû étudier en détail ce qui se passe. Par contre, ils sont très conscients que ce qu'on fait vivre à leurs enfants dans les petits boulots, ce qu'eux vivent dans les petits boulots de merde, ce que leur famille supporte à droite et à gauche, c'est ça le monde qu'ils veulent nous imposer. Et je crois que c'est ça qui est le vecteur profond de ces 60-70% de gens qui sont toujours contre la réforme malgré les campagnes médiatiques sur les casseurs, les bloqueurs, les machins, etc. Ça me semble les éléments nouveaux extrêmement importants, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre élément qui différencie un peu des autres mouvements qu'on vient d'évoquer, 2010, 2003, 95, enfin, on pourrait les multiplier? Oui. C'est la question de la police, de l'appareil répressif d'État. On sait l'état d'urgence depuis les événements, les tueries en plein Paris en novembre. Il y a quand même quelque chose qui modifie un peu. Ah, mais là, je pense qu'on est en train de vivre une très très grosse. Bon, j'ai écrit dans un article un coup d'État rampant, mais je pense que c'est vraiment ça. On est en train de vivre. En France, depuis les attentats, je pense que le gouvernement a pensé qu'il allait utiliser le choc créé par les attentats pour pouvoir passer en force. Bon, on a une accumulation. Bon, il y a des lois sur l'état d'urgence qui permettent à la police de faire à peu près tout et n'importe quoi, mais qui s'ajoutent aux lois qui ont été adoptées les 20 dernières années. Il y a l'accélération sur le code du travail et il y a le fait que les formes démocratiques habituelles d'une société européenne dans lequel il y a des débats, la démocratie, la liberté de parole, etc., sont en train d'être détruites. Bon, ça se focalise autour du 49-3. Bon, on l'a vu à l'échelle européenne avec la question de la Grèce. Aujourd'hui, pour les possédants, la démocratie est une décoration dans la société qui commence à être gênante et que, bon, on peut laisser les formes de démocratie exister tant qu'elles touchent à rien. Bon. Et donc c'est ce qui entre en contradiction avec ce que vivent les gens. Parce que les gens, ils disent on est les trois quarts à ne pas avoir envie de cette réforme et vous continuez à nous l'imposer, à faire des provocations policières. Parce que sur cet aspect des provocations policières, bon, effectivement, je ne suis pas tout jeune. Je suis désolé de te le dire. Mais je manifeste depuis 68, je n'ai jamais vu un fonctionnement policier comme celui-là. La pratique de la NAS, les provocations systématisées, les interpellations dans les cortèges, etc. Bon, voilà, j'en ai vu, quoi. Hein. Là, on atteint des seuils, mais qui sont, à mon avis, l'expression brutale de ce que je disais sur la démocratie. C'est l'expression matérielle, c'est le CRS qui est au bout de la politique. Mais la vraie politique, c'est on ne veut pas de démocratie. Et bon, voilà. On a les institutions, vous pouvez penser ce que vous voulez à 75%, vous pouvez être en grève parce que on fait ce qu'on veut. Et c'est ça qu'il faut faire péter. C'est ça qu'il faut expliquer partout. Il faut que la crise qui est en train d'apparaître dans ceux qui dominent, elle soit suffisamment forte pour qu'ils lâchent. Alors, je voudrais juste faire un petit pas de côté, mais pas si loin que ça. Et je voudrais que tu mettes ton autre casquette, celle que tu as eue pendant, je crois, près de 40 ans de ta vie. Tu étais inspecteur du travail. Oui, oui. Et je voudrais juste... Nul n'est parfait. Mais ce n'est pas du tout un reproche, parce que justement, une des violences, enfin c'est un peu facile de dire ça, mais une des grandes violences actuellement, c'est ce projet de loi en lui-même, dans ce qui retire d'acquis à un très grand nombre de gens. Quelle vision, quelle lecture, en quelques mots, tu as, toi, de cette loi-là? Est-ce que vraiment le pire, c'est l'article 2, l'inversion des normes? Qu'est-ce que tu en retires de cette loi-là? Le pire, c'est le préambule. Même s'ils l'ont mis de côté, ils continuent à structurer. C'est-à-dire qu'il faut adapter le droit aux besoins des entreprises. La logique du Code du travail, avec toutes ses limites, parce que rien n'est parfait, c'est quand même de dire les salariés, ils travaillent dans une entreprise, c'est le patron qui est tout puissant. Et contre ça, bah, il faut une compensation, il faut donner des droits aux salariés contre un patron qui est tout puissant. C'est la logique du Code du travail depuis qu'il existe, depuis la fin du 19e siècle. Je répète, avec toutes ses limites. Mais à partir du moment où on dit le droit du travail, on le crée mais il faut l'adapter aux besoins de l'entreprise. Le besoin de l'entreprise, c'est quand même l'employeur qui décide quels sont ses besoins, c'est personne d'autre. Bon. Et là, on inverse totalement les choses. Et moi, ce qui m'apparaît le plus fantastique dans cette histoire, le plus symbolique, parce qu'effectivement, il y a l'article 2 sur l'inversion de la hiérarchie des normes, parce que ça, c'est d'essayer de faire peser le chômage pour obliger les gens dans les entreprises à accepter des régressions parce qu'il y a le chômage. Et puis après, à dire aux autres, il y en a qui acceptent ici, donc il faut que vous vous acceptiez là. C'est ça, la logique. Mais la vraie logique, c'est qu'il faut sécuriser le patronat. La discussion sur la question de l'indemnisation en cas de licenciement est quelque chose de fantastique. On vous dit, mais les employeurs, quand ils vont au prud'homme, ils ne savent pas combien ils vont payer. Mais enfin, l'employeur qui va au prud'homme, c'est qu'il a licencié un salarié. Et quand il est condamné, c'est qu'il est en faute. Et donc, ce que l'argumentation, ce n'est pas de dire comment on fait pour protéger celui qui est licencié abusivement, illégalement. Le raisonnement, c'est comment on fait pour sécuriser le patron qui a fait un truc illégal. C'est un peu hein, comment on sécurise le dealer quand il se fait piquer par les flics. Bon, c'est ça, cette logique-là. Et bon, non, mais c'est le fond du raisonnement, c'est celui-là. Et l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est ça, sur le fond. Et c'est vraiment c'est la destruction du droit du travail en minant tous les sujets, quoi. Bon, Patrick, j'avais juste une dernière question, parce que, mais est-ce que, comme le dit Ruffin, est-ce que tu penses qu'à la fin, c'est nous qu'on va gagner ? Ah, mais ce que je crois, là, c'est que le gouvernement est dans une crise politique telle que, effectivement, si on continue... Parce que là, les manifestations aujourd'hui sont manifestement plus grosses que les dernières. Il y a une série de secteurs dans lesquels il y a des blocages qui commencent à avoir une petite efficacité, pas encore majeure, mais petite. Non, là, on a réellement la possibilité de gagner. Hein, dans quelques semaines commence l'euro, ils ont envie d'une certaine tranquillité politique. Je pense que là, il faut y aller parce qu'il y a une conjoncture qui permet de gagner, oui. Bon, bah, écoute, Patrick, merci beaucoup d'être passé sur l'antenne de Radio Debout. Radio Debout, toujours en direct de la place de la République. On va se diriger vers l'Assemblée générale qui se poursuit. L'Assemblée générale qui se poursuit à quelques mètres de nous. C'est parti ? Bla bla bla bla bla. Radio Debout. Bla bla bla bla bla. Radio Debout. Avant, il y a la GAPL à la grève reconductible partout, c'est possible. Hein. Je précise quand même par rapport à ce qui s'est dit avant, quoi. La question du 9 ou du 10, on va donc voter pour savoir si on appelle plutôt à une grève, mobilisation, le 9 ou le 10 ou les deux. Le 9 ou le 10 dans l'appel. Mais évidemment qu'on essaye d'appeler à la grève reconductible. Alors, qui est d'accord pour changer du jeudi 9 au vendredi 10 ? Qui est d'accord pour changer de date d'appel pour la grève et la mobilisation du jeudi 9 au vendredi 10 ? Ça a été... Bah mais la personne l'a dit juste avant, je ne peux pas refaire les intervs. Alors, bonjour, de nouveau sur Radio Debout, on a laissé l'AG puisque l'AG pour l'instant est silencieuse. On accueille Joël Blum, professeur de mathématiques au lycée Bergson. Bonjour. Bonjour Joël. Donc le lycée Bergson, il se situe dans le 19e au 27 rue Payron. C'est ça. Et alors moi je vous ai rencontré un petit peu par hasard, c'était le jeudi 12 mai. Avec un nombre de professeurs assez important quand même, une vingtaine j'ai l'impression. Non, on était même une trentaine. Ouais. Une trentaine de professeurs qui réclamaient devant le rectorat qui est maintenant situé boulevard d'Indochine, aussi dans le 19e, plus de moyens pour ce lycée qui en a vraiment besoin et qui pour autant a une bonne équipe et qui fait son possible pour amener les élèves le mieux qu'ils peuvent, au plus haut. Mais il y a un manque de moyens. Alors, est-ce que tu peux, Joël, nous présenter un petit peu ce lycée ? Alors, le lycée Bergson donc, est situé dans le 19e. On a à peu près on a un collège et un lycée, mais le lycée, il y a 9 classes par niveau. C'est un lycée qui ne fait pas du tout de sélection, dans le sens où on accepte tous les élèves qui ne sont justement pas pris ailleurs, puisqu'à Paris, on est un peu à la course au bon lycée, entre guillemets. Et donc, on arrive avec des élèves de seconde qui ont souvent 3-4 points de moins que la moyenne académique aux épreuves de brevet. Et on nous demande de faire exactement le même travail qu'ailleurs avec les mêmes moyens, donc que des lycées plus prestigieux sur le recrutement. On nous demande de faire la même chose avec 35 élèves, mais en partant avec des élèves qui ont des difficultés au départ. Pas forcément des difficultés sociales, pas tous, mais beaucoup de difficultés scolaires. Et avec en plus, on a des élèves handicapés, autistes ou dyspraxiques qui demandent aussi une attention particulière. Et on a aussi des élèves non francophones qu'on accueille en seconde et qu'après on intègre dans des classes normales. Donc la situation de Bergson, en fait, au niveau des effectifs et au niveau des moyens, c'est les mêmes que les lycées alentours, c'est-à-dire près de 35 élèves par classe. Oui. Seulement, dans un lycée avec des élèves qui ont plus de difficultés, à la fois, bon, tu viens de le dire, scolaires, mais aussi certaines difficultés sociales pour un nombre important, ça mérite des moyens différents. Ça mérite des moyens différents parce que sinon, on ne s'en sortira pas. C'est-à-dire l'éducation nationale a besoin de nous pour accueillir les élèves qui ne sont pas pris ailleurs. Après, forcément, si on regarde les résultats au bac, quand on part avec des élèves qui ont plus de difficultés, on n'arrive pas à 80 ou 90% de réussite au bac. Donc, on est catégorisé mauvais lycée. On est dans la queue de classement, forcément, sans compter, sans essayer de regarder le travail qui a été fait entre les élèves qu'on accueille et de la façon dont ils sortent. Et donc, les élèves arrivent, même eux, arrivent souvent un peu dépités. Ils n'ont pas choisi d'être chez nous. Ils sont très inquiets en arrivant. La grande majorité, au bout de 2 mois, ils sont finalement très heureux. Les parents d'élèves aussi, même s'ils arrivent avec leur stress, finalement, au bout de 2 mois, ils disent « mais c'est super, il y a une équipe... » C'est super très... parce qu'en fait, voilà, il y a une équipe quand même très soudée, il y a une grande cohérence. Très impliquée. C'est-à-dire, on sait très bien que si on veut faire marcher... effectivement, si on fait le cours sans tenir compte des élèves, ça pète, quoi. Au bout de 10 minutes, c'est parti en n'importe quoi. Donc, on est obligé d'y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de disponibilité. Les élèves, par exemple, moi, ils ont tous mon mail. S'ils ont un problème, moi, je suis prof de maths, s'ils ont un problème sur les maths, mais s'ils ont un problème aussi sur l'orientation, ils peuvent m'envoyer un mail. J'essaye de répondre très rapidement. Et on est nombreux, comme ça, à faire des... Voilà. C'est beaucoup d'investissement. C'est beaucoup d'investissement, mais moi, c'est ce qui me plaît dans le métier. Ça, j'ai envie de faire des choses pour mes élèves. J'y trouve mon utilité sociale, certainement. Et donc, il y a une bonne équipe là-bas. Il y a un proviseur qui est à la hauteur, un proviseur qui soutient son équipe. Il y a un proviseur qui soutient son équipe, qui nous a, au rectorat, quand on a été demandé plus de moyens, il a été dans notre sens. Il a soutenu effectivement les demandes qu'on avait. Il a reconnu qu'il y avait des grosses difficultés, qu'on a beaucoup d'élèves qui arrivent avec un problème des problèmes d'être un peu ascolaire, des problèmes d'assiduité. Et il nous faut plus de temps pour les remotiver, pour les remettre dans le cursus scolaire, pour éviter qu'ils se déscolarisent, qu'ils soient découragés. Voilà. Donc vous demandez quoi ? Nous, on a des demandes très gentilles. On demande juste, on n'a même pas été jusqu'à 25 élèves par classe en seconde. On demande juste qu'on en ait 28 au lieu de 35 pour avoir ne serait-ce que 7 élèves en moins. Ça permet d'avoir plus de temps pour s'occuper d'eux, pour éviter effectivement de prendre en charge très vite quand on voit qu'il y a il y a des absences, quand on voit qu'il y a une démotivation, quand on voit qu'il y a des familles qui dysfonctionnent et qu'ils ont besoin de plus de soutien, voilà. Et aussi des heures d'accompagnement peut-être en plus, oui, ça serait bien. Nous on a fait la demande aussi de deux professeurs principaux en seconde, parce que c'est vrai que voilà, tout le travail d'accompagnement se fait beaucoup par le professeur principal, et si on est deux, c'est plus pratique. Moi, j'ai longtemps enseigné à Saint-Denis, au lycée Paul Éluard, et c'est vrai qu'il y avait plus de moyens. Il y avait ces deux professeurs principaux, il y avait moins d'effectifs par classe. Voilà, c'est ce que tu disais. Hein, effectivement, à Saint-Denis, finalement, Il y a plus de moyens et finalement Bergson est dans des situations analogues à ce qu'on peut retrouver dans des lycées de Saint-Denis par exemple, voilà. Mais avec beaucoup moins de moyens. On a moins de moyens parce que l'éducation nationale met ses moyens en ne regardant que les catégories socio-professionnelles. Donc comme on est en enseignant en banlieue avec des catégories socio-professionnelles inférieures, bah forcément il y a plus de moyens parce qu'on considère qu'ils ont par définition des difficultés. Nous, on est un lycée de Paris, donc avec une mixité sociale, on a des élèves en difficulté sociale, mais d'autres qui viennent de familles plus aisées, mais qui ont des parcours scolaires très chaotiques, donc qui ont d'autres difficultés. C'est ça, c'est-à-dire que même si vous avez des élèves, contrairement à Saint-Denis, des élèves qui ont quand même une famille avec plus de moyens, pour autant, ces élèves-là ont des difficultés oui, scolaires. Oui, parce que c'est des familles... où il y a eu des séparations compliquées, où il y a eu le décès d'un parent, où il y a eu enfin, voilà, des parcours de vie très chaotiques déjà, même si ça ne se traduit pas par une situation financière voilà. ou sociale délicate. Oui. Et alors comment on vous a reçu à l'académie ? Oh, on nous a plutôt bien reçu. On vous a ouvert la porte quand même ? On nous a ouvert la porte, on nous a plutôt bien reçu. Monsieur Pham qui nous a reçus. Donc c'est l'adjoint au recteur ? Voilà, l'adjoint de... Monsieur Pham. Voilà. Il a reconnu qu'on était un des lycées les plus défavorisés de Paris, mais bien sûr qu'il nous aiderait, mais qu'il ne pouvait pas nous donner un nombre précis. Il nous dit, bien sûr, il nous dit, je ne peux pas vous dire, on va bloquer à 25 parce que sinon il y aura d'autres qui vont demander. Enfin voilà, toujours pareil. Donc est-ce qu'on obtiendra quelque chose vraiment après on ne va pas lâcher. C'est une demande que vous faites régulièrement, qui est tous les ans. Non, c'est la première fois qu'on le demande parce que c'est vrai que depuis 2-3 ans, on sent que la situation de nos élèves s'est encore fragilisée, que la réputation du lycée, voilà, on n'arrive pas à s'en sortir de cette mauvaise réputation. En plus, il y a eu récemment des violences on va en parler après, voilà, policières oui. qui vont certainement pas nous aider dans cette ouais. réputation. Voilà, c'est après, on a l'impression de mettre beaucoup, beaucoup d'efforts, on a plein d'énergie, on a plein de professeurs qui sont heureux d'enseigner. Moi, la première, hein, je suis hyper heureux, j'adore mon boulot. J'adore le rapport aux élèves. Et vous êtes finalement un peu frustré de ne pas avoir les conditions qui vous permettraient d'amener les élèves plus loin et voilà. de les accompagner dans des meilleures conditions. Ah, tout à fait. Moi, j'ai cette frustration de dire je fais avec ce que je peux et j'aimerais bien faire beaucoup plus. Et vous êtes convaincu qu'avec un contexte meilleur, un soutien différent, vous pourriez... faire beaucoup mieux, aller on plus ferait loin. Peut-être pas des miracles, mais on ferait mieux, ça c'est sûr. Et après, c'est toujours pareil. C'est, si on arrive à. Si on a les conditions, par exemple, les parents savent qu'il y a 25 élèves par classe au lieu de 35, bah, d'accord, c'est peut-être un moins bon recrutement à la base, mais il y a des conditions qui peuvent être intéressantes et ça peut attirer des parents qui sont un peu frileux, dire ah non, mon enfant n'ira jamais là. Voilà. Donc, et créer une mixité sociale un peu plus intéressante, voilà. un peu plus importante. Mixité scolaire plus importante. Mixité scolaire. Par contre, en même temps, il y a 9, tu me disais qu'il y avait 9 secondes et il y a 9 premières, malgré voilà, tout. Nous, on fait alors, pas est-ce du tout que partie. C'est toutes les secondes qui passent en première ? Bah, à peu près. On est vraiment un lycée qui est atypique à Paris. On n'est pas dans l'élite parisienne, dans l'élitisme parisien où effectivement, on leur dit vous bossez, de toute façon il n'y aura que très peu de place, après vous irez ailleurs, et justement mais vous irez ailleurs c'est vous irez à Bergson. Bah alors finalement de 9 classes de premier, 9 classes de seconde qui passent en première, c'est plutôt un bon résultat. Non, en fait il y en a quand même qui partent ou en professionnel ou qui partent qui malheureusement se déscolarisent, mais on récupère ceux qui ne sont pas pris dans d'autres lycées dits plus prestigieux. Et au bac ça se passe comment? Ben au bac, oui, on arrive à des 70 ou 75% de réussite au bac, ce qui n'est pas catastrophique quand on regarde d'où on est parti. Mais si les parents se bloquent sur les résultats bruts, on ne s'en sortira pas. Oui, c'est ça. Donc, et dans ce contexte-là, on sait dans les lycées parisiens, depuis début mars, un certain nombre de mouvements... étudiants à la suite des manifestations autour de la réforme de la loi du travail de El Khomri. Et effectivement, tout un ensemble de lycées parisiens se sont mis dans le mouvement, ont installé des blocus. Il y en a eu un peu dans tous les quartiers. Et Bergson aussi s'est mis à faire des blocus. Je pense que pour un certain nombre d'élèves de collèges, lycées, bon, c'était aussi l'expérience d'un... d'un mouvement. C'est une première mobilisation politique. Ils sont souvent complètement... ils connaissent pas grand-chose, mais voilà, c'est comme ça qu'on a tous commencé. Moi, je sais pas, j'ai des souvenirs de Devaquet, pareil, j'étais en seconde. Je connaissais pas, j'avais pas forcément tout compris, mais c'est pas grave. C'était les premières mobilisations, les rencontres, on discute, on apprend, voilà. C'est devenir citoyen, c'est ça aussi. Voilà. Et alors, par contre, ils y allaient avec une certaine nonchalance, une certaine joie, une certaine bienveillance, mais ils ont eu en face d'eux les policiers qui, au bout d'un moment, finalement, les ont chargés. Voilà, alors, comment ça s'est passé? Bah, il y a eu beaucoup de violence. Voilà, ça s'est passé le 24 mars. On a été les premiers à faire face à cette violence. Le blocus n'était même pas très, très virulent. C'est-à-dire la porte du lycée était ouverte. Les élèves qui voulaient rentrer pouvaient rentrer. Donc, c'était même pas un blocus sévère. Et tout d'un coup, donc, il y avait pas mal de lycéens devant dans la rue. Et tout d'un coup, les policiers ont chargé, certains masqués, cagoulés, ils sont mis à taper dans tous les sens, ils sont mis à frapper les gamins, à les insulter. On a eu des choses du genre, ouais, rentre chez toi, on sait où t'habites, on va violer ton père et ta mère, enfin des choses complètement violer absurdes. Violer ton père et ta mère. Oui, oui, des choses absurdes où après, c'est hyper difficile pour nous de reprendre tout ce qu'on leur explique quotidiennement, du respect. Bien, de ouais. Nous, en plus, facilement, on est... Bon, ben, on présente nous aussi l'État, l'ordre, tout ça. Donc, on est forcément du côté des flics. Alors, leur expliquer que non, on est de leur côté, qu'on est scandalisé par ça aussi. Et qu'il faut continuer à travailler dans un respect de l'autre, de l'adulte, entre eux, qu'ils ne sont pas considérés... ils étaient tous persuadés qu'on leur avait tapé dessus parce que de toute façon c'était un lycée poubelle et tout le monde s'en foutait d'eux. Donc voilà, ça contribue, ça renforce ce sentiment d'exclusion. Et pourtant, les programmes d'éducation civique, les directives de l'État pour amener les discussions sur la laïcité, la démocratie, tout ça, c'est une grande, grande directive de l'État. Ah oui, mais alors là, ils ont eu un travaux pratique. Voilà. Les travaux pratiques sont douloureux. Hein, ouais. Comment effectivement pour vous, après une telle violence de la part des policiers qui représentent l'État, qui représentent un corps de l'État, ramener la discussion, mais non, mais vous savez... C'est, oui, c'est hyper difficile, et puis c'est vrai qu'après c'est toujours pareil, on n'a pas forcément beaucoup de temps et d'espace pour discuter de ça. Moi, c'est vrai que les collègues qui font de l'éducation civique ont peut-être plus de moyens, de temps. Moi, en tant que prof de maths, par exemple, c'est difficile d'arriver sans trop déborder du cours, sans en faire, sans qu'on me reproche après d'être en dehors de votre programme, de faire de la politique ou je ne sais quoi. Mais j'essaye quand même de leur donner. Il y a un collectif qui s'est monté avec un avocat, avec deux avocats. Alors oui, le collectif du 24 mars, parce que suite à ces violences policières, il y a eu des plaintes. À la fois du côté des élèves. Bah, y a eu cette vidéo très médiatisée du jeune garçon qui s'est pris un coup de poing. Donc là, le policier, dès le lendemain, on a reçu la visite du préfet au lycée pour calmer les esprits, préfet de police. Ce policier est mis en examen grâce à cette vidéo, parce que je pense que sinon, on n'en aurait jamais parlé. Bon, passé à la trappe. Mais finalement, il y a encore 3 ou 4 élèves qui sont poursuivis pour violence à agents, alors qu'on ne voit pas bien comment ils ont pu... Alors, pour vous résumez les faits comme ça. Le 24 mars dernier, des lycéens qui avaient organisé un blocus devant le lycée Bergson et auxquels la police reproche tout d'abord des jets d'œufs, puis l'incendie d'une poubelle, ont subi une charge policière violente dont témoignent plusieurs vidéos amateurs tournées par des témoins ce jour-là. Et comme tu l'as dit, injures, intimidation verbale, jets de gaz lacrymogène à bout portant, coups, arrestations violentes. Oui, il y a eu tout ça, avec des lycéens de 15 ans qui se sont fait arrêter, qui sont restés 24 heures en garde à vue sans qu'on prévienne leurs parents. Enfin voilà, des choses inadmissibles. Oui, c'était hallucinant. Donc le préfet qui nous a rendu visite dès le lendemain matin nous a dit qu'il y avait un défaut de commandement... certainement, oui, il a reconnu plein de choses. Alors certainement, le chef de la police du 19e s'est fait un peu taper sur les doigts. Mais bon, après, est-ce que ça ne va pas Donc être des enterré professeurs, voilà. Des professeurs ont été témoins de ces agissements. Oui, il y a eu des professeurs qui ont été témoins. Le proviseur aussi a témoigné. On est plusieurs à avoir témoigné auprès de l'IGPN. Voilà. Donc nous, on a monté donc ce collectif parents d'élèves, élèves, professeurs. On est tout un collectif pour essayer que ça passe pas la trappe, qu'il y ait justice et que les élèves retrouvent leur dignité. Et retrouvent un certain sens de la justice. Voilà. On va faire encore à quelque chose. On va faire une petite pause. On va passer l'antenne à l'AG. Gabriel, si tu veux, on va écouter l'AG. Merci. Sur Action Travail Social, je reste là. La manifestation des AED de samedi prochain. Samedi 28. 22, je sais plus combien. 28. Non. Y a-t-il un référent pour la manifestation des AED de samedi? J'ai plus la liste. Qui dit quoi? J'ai oublié quoi? Guillaume? Mais t'inquiète pas, c'est fait, ça fait. Quoi d'autre? C'est bon? Voilà. Sarah? Sarah est demandée. Ouais, salut à tous. Je suis désolé, je vais faire ça très vite. C'est juste pour vous annoncer, on est la commission Prison par Terre. Avec d'autres personnes, on organise un rassemblement devant Fresnes samedi matin. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a un mois, il y a les prisonnières en lutte qui ont écrit un message, qui ont écrit une lettre pour dénoncer leurs conditions de vie, d'hygiène, qui sont absolument déplorables là-bas. Aussi pour les femmes enceintes, où c'est l'horreur pour elles là-bas. Et il y avait des rapports avec les matons qui étaient catastrophiques. Donc elles ont écrit à 40 une lettre à la direction. La direction n'a pas répondu. Et donc, elles ont décidé de faire un refus de remontée de promenade. Et là, derrière, ils ont décidé de choisir une personne au hasard et ils l'ont foutue à l'isolement. Nous, ce qu'on veut, c'est les soutenir parce qu'elles se battent pour leurs droits à l'intérieur. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un rassemblement à Fresnes samedi. On a donc le rassemblement, il a lieu à 11h au carrefour de la déportation devant la maison de Fresnes. Et il y a un pré-rendez-vous ensemble pour les gens de Nuit Debout à 10h15 à CTU sur le RERB. Venez nombreux, voilà, et si vous voulez, il y a toutes les infos sur Paris Lutte Info, et rejoignez-nous pour aller les soutenir, parce que vraiment, avoir du bruit à l'extérieur quand tu es à l'intérieur, ça fait énormément de bien. Merci pour elle. Ok, alors, maintenant qu'on a fait tout ça, il y a un deuxième point à l'ordre du jour. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, c'est une assemblée un peu particulière ce soir. On a voté un ordre du jour. On est sur la construction d'une lutte. Le deuxième point à l'ordre du jour, c'était les médias. La question, comment est-ce qu'on lutte contre la propagande médiatique? Alors, je vous refais peut-être la proposition. En fait, on a dépassé l'heure, évidemment. Hein, c'est pas une surprise. On a dépassé l'heure. Est-ce qu'on maintient ce point maintenant? Est-ce qu'on le reporte à une autre assemblée générale? Est-ce qu'on maintient ce vote maintenant? Qui est pour garder ce point à discussion maintenant? Donc le point étant lutter contre la propagande médiatique. Qui est pour discuter maintenant de lutter contre la propagande médiatique? Qui est j'entasse ma vie à être, je me dis peut-être que ça va continuer, c'est ce pas de compter. Si parfois je me rebive, je lance mes chiffres, je prononce un nombre heureux, soyez-en deux, 140, 810, BJ, FT, 720, 80 et 49, 3. Vous êtes sur Radio Debout. Radio Debout, on est là toujours avec Joël Blum, professeur de mathématiques au lycée Bergson, à 27 rue Payron. Donc qui demande plus de moyens pour pouvoir accompagner les élèves dans des meilleures conditions, puisque c'est un lycée qui a besoin de plus de moyens, parce qu'il y a des élèves qui ont plus de difficultés. Donc il faudrait moins d'élèves par classe. 25, ça serait très bien, et pourtant ils ont demandé que 28 élèves. En ce moment, ils sont à 35 élèves dans le lycée. des heures d'accompagnement, trois CPE plutôt que deux CPE. Voilà, tout un ensemble de conditions qu'on trouve dans des lycées à Saint-Denis, mais qu'on ne trouve pas, par exemple, dans un lycée à Bergson, qui a les mêmes besoins. Et on abordait aussi les violences qui ont eu lieu devant le lycée Bergson de la part de la police, puisqu'on parle souvent de les médias, les grands médias relaient très largement la violence auprès de la police, mais beaucoup moins les violences qui existent auprès des manifestants et auprès de jeunes manifestants de 15 ans, jeunes manifestants qui font finalement l'expérience de la démocratie, hein, comme tu me disais, Joël, ouais. qui faisaient quoi ? Qui lançaient des œufs, qui lançaient des mots, bon, qui... Voilà, non, c'était très, très gentil, très pacifique, c'était bon enfant, on était devant, on n'était pas du tout inquiets, nous, et tout d'un coup, on n'a rien compris à cette violence, et puis surtout, ils ont... Très vite, pour éviter qu'on soit trop témoins, sans doute, ils les ont coincés dans les coins, dans la rue à côté, pour qu'on ne voit plus directement. Donc nous, on était partagés entre protéger les gamins qui étaient devant le lycée et aller voir ce qui se passait à côté. Certains collègues qui arrivaient à ce moment-là ont été témoins de ce qui se passait donc dans la rue Bourret qui est au coin. Donc il y a un enfant qui a reçu un coup. Il y a un enfant qui a reçu un coup de poing, qui a eu le nez cassé. Il y a plusieurs enfants qui se sont retrouvés en garde à vue, voilà. Qui ont passé la nuit au poste. Tout à fait. Et sans prévenir les familles. Et après, il y a eu aussi... du coup, comme ils ont commencé à témoigner de ce qu'ils avaient vu, notamment sur un des gamins qui a été arrêté, qui était en sang au commissariat, comme ils ont témoigné, deux d'entre eux se sont retrouvés poursuivis par la police, avec deux policiers qui ont déclaré avoir eu deux jours d'ITT. Voilà, c'est-à-dire que les deux enfants et leur famille ont porté plainte, et c'est enchaîné, comme par hasard, des plaintes de la police à la suite de ces premiers... Voilà. De ces premières plaintes de la part des lycéens. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de faire un collectif. On a un avocat qui... Donc vous êtes le collectif du 24 mars. Voilà. Quel est l'objectif donc, de ce collectif ? L'objectif, c'est vraiment que d'abord ces lycéens ne soient plus poursuivis. Dans un deuxième temps, qu'ils aient même une indemnisation éventuellement pour les dommages qu'ils ont subis, les violences, l'agression. Enfin voilà, on a plusieurs élèves qui ont été très choqués. Pendant plusieurs jours, c'était dur parce que... Ils n'ont pas compris et puis ils n'osent pas forcément parler. Est-ce pour qu'il certains... y a à comprendre ? Est-ce qu'on peut Est-ce comprendre, qu'il y a à comprendre d'abord ? Et puis pour certains, ils ont... Il n'y a rien à comprendre. Et malheureusement, certains n'osent pas en parler parce que pour eux, c'est presque normal ce comportement. Ils en ont l'habitude et c'est absolument scandaleux. Et donc il y a dans les procédures qui est engagée, donc il y a la Ligue des droits de l'homme qui s'est portée partie civile. Oui. Il y a Maître Arié Halimi qui défend plusieurs familles de victimes. Il y a Maître Bérès qui défend un élève mis en cause. Et il y a la FCPE Bergson qui représente les parents d'élèves. Qui est défendu par Maître Gilles Bérès. C'est-à-dire que les parents d'élèves sont défendus, c'est dans quel sens C'est les gamins, c'est les élèves qui sont incriminés. Ah oui. Quoi. Voilà, les familles FDPE qui sont incriminées. Alors, il y a plusieurs actions aussi proposées. Vous essayez de mettre en place ce collectif un site internet qui est en construction. Oui, il y a un site internet qui est en construction. Il y a l'idée de faire un documentaire, comme il y a eu beaucoup de vidéos récupérées, de vidéos faites par les élèves notamment. L'idée de faire un documentaire pour montrer... Pour montrer la violence. Pour montrer la violence et puis pour montrer aussi... La police, parfois, avec la jeunesse française. En espérant qu'il y ait une fin, comme on attend, que la victoire de la justice. Et donc, leur montrer qu'en se battant, on peut y arriver et que tout ça n'est pas normal. On ne doit pas accepter cette violence sans réagir en disant oui, mais c'est eux la force et nous on est. Non, oui, c'est la donc, force, mais il y a des règles et il faut qu'ils les respectent. Et donc on se battra pour essayer de que nos lycéens retrouvent l'estime d'eux-mêmes. Donc c'est construire de l'intelligence face à une violence gratuite, une violence bête. On essaye de leur dire de réagir avec d'autres moyens que ceux de la police. Donc, le site c'est Bergson, B BERGSON 24 mars, le tout attaché, @gmail.com. Ça, c'est le mail pour avoir, pour être mis en contact, sur une, pour avoir les informations. Voilà. Et sinon, le site, il est actif, le site ? Il commence à être actif. Il commence. Donc, c'est Bergson, http://bergson24mars, pareil, .gymdo, G-I-M-D-O, .com. Gymdo, ça signifie ? Je ne savais pas. Non. On ne sait pas. Et, très bien. Et... Il y a un certain nombre de personnes, vous êtes un collectif oui, important. On est je pense qu'on est entre parents d'élèves, élèves, professeurs, il doit y avoir, on doit être une trentaine, mais je ne suis c'est pas beaucoup. Voilà. Oui, oui. C'est beaucoup. Donc il y a une vraie mobilisation quand même. Tout à fait. Il y a une vraie, un vrai choc de la part des adultes face à ça. Il y a eu un vrai choc et surtout, malheureusement, on n'a pas été les seuls, mais on a été les premiers. Et ce qui a beaucoup frappé les élèves, c'est que ce même jour, le 24 mars, trois lycées du Marais ont occupé pendant une demi-heure la rue de Rivoli et ceux-là ne se sont pas fait déloger. Donc c'est vrai que nos lycéens ont eu l'impression que il y avait deux poids, deux mesures et qu'ils étaient la banlieue de Paris. C'est nouveau. C'est sur la Rivoli, les élèves de Charlemagne, Sophie Germain, etc. et Victor Hugo, eux, on les a pas délogés, sans doute parce qu'ils ont des parents plus puissants, je ne sais pas. Il faut dire aussi que la rue Payron, lycée Bergson, elle est un peu cachée. À la rue Payron, c'est vraiment pas une rue qui gêne la circulation. Il doit y avoir trois voitures qui passent par heure, donc c'est pas la rue de Rivoli. Ça, ça gênait un peu personne, ce voilà, mouvement. Voilà, ça ne gênait personne. Ça pouvait passer inaperçu. Tout à fait. Mais c'est justement, comme c'était caché, la police, elle a agi. Voilà, c'est un peu l'impression qu'on a eue. On est un coin perdu et donc on peut y aller. Bien, merci Joël Blum. On va suivre un peu ce qui se passe avec le collectif Bergson 24 mars. Et on espère que le rectorat et le gouvernement écoutera ces lycées qui ont des besoins. On espère. Et enfin, puisque Hollande et le gouvernement avaient mis une priorité à la jeunesse, il faudrait peut-être commencer, il est un peu tard, de donner les moyens aux lycées qui en ont besoin. Voilà. Parce que ça commence par là et les professeurs le demandent, donc il faudrait les écouter. Sans doute. Merci. Merci Joël. Merci à vous. On reprend Mathilde, tu enchaînes ? Merci beaucoup Marc. Ouais, merci. Alors donc nous, on va enchaîner avec un festival qui est très intéressant. Je pense que mes invités vont prendre place autour de la table. On va faire une petite transition habile. Alors ce festival, qu'est-ce que c'est ? C'est un festival de cinéma. C'est un festival de cinéma un petit peu particulier puisque c'est un festival qui mélange culture et engagement militant, bien entendu. Cet engagement militant, c'est pour la Palestine, puisque donc ce festival s'appelle tout simplement Ciné Palestine. Donc nous avons autour de la table deux personnes. Nous avons d'abord Patricia, qui est organisatrice de l'événement. Bonjour Patricia. Bonjour. And we also have around the table Salim. Hi Salim. Hi. Abou Jamal. Alors ça va être une interview un petit peu compliquée puisque ça va être en anglais, traduction simultanée en français. J'espère que je vais la gérer à peu près. Alors d'abord, première question Patricia, ce festival, il en est à sa deuxième édition. Dans quel but a-t-il été créé au départ ? Donc le festival, justement, c'est à sa deuxième édition. Il a été créé en 2014 parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de festival dédié entièrement au cinéma palestinien à Paris. Alors que pourtant, il y a des festivals de cinéma de tout à Paris. C'est étonnant. Exactement. On se disait, en tout cas, Paris, c'est la capitale du 7e art. Donc, il faut absolument avoir un événement de ce type. Aussi pour... d'une certaine manière, aider ce défi des distributions de films palestiniens qui ne sortent pas forcément au cinéma, sauf quelques petits exemples, et montrer qu'il y a une richesse de production en Palestine. Il y a plein de choses, plein de genres, du court-métrage, au long-métrage, documentaire, fiction. Il y a une nouvelle vague d'artistes qui proposent des œuvres cinématographiques qui sont à la hauteur du cinéma international. Et c'était important de montrer aussi un autre regard et de un peu briser les stéréotypes et les préjugés qu'on peut avoir quand on parle de Palestine et on s'imagine un cinéma qui vient de Palestine, qui parle d'occupation, mais pas seulement. Il parle aussi du quotidien, de la vie de tous les jours, des sentiments qui sont humains, universels, des histoires d'amour, des drames, comme on a dans tous les cinémas au monde. Oui, c'est pas qu'un cinéma guerrier, belliqueux. Qu'est-ce que le cinéma peut apporter à la médiatisation de la cause palestinienne, spécifiquement le cinéma ? Je pense qu'en général, le cinéma a un pouvoir à travers les images de raconter, à travers les histoires qu'il raconte, de proposer sûrement des réflexions, d'amener les gens à se poser des questions. Et aussi avoir peut-être un regard différent, en fait, une perspective différente. Si on arrive à faire ça, et ce qui est le but en général de tout ce qui est le cinéma d'auteur, le cinéma engagé, c'est celui de changer la perspective par rapport à un sujet. Donc c'est un peu ça notre ambition. Et alors là, le parrain de cette édition, de cette année, c'est Ken Loach, du gratin quand même. En fait, Ken Loach nous a rejoint déjà l'année dernière. C'était notre premier parrain. Et c'est pas... Voilà. C'est la directe. C'est bien. C'est ouais, voilà, live stream. Ce sont les aléas du direct. On dit. Ouais. Tout à fait. Et il est en très bonne compagnie parce que... il est en très bonne compagnie, en tout cas, parce que depuis cette année, il y a Costa Gavras. Il y a Suleiman, il y a Kikarizmaki, il y a Mike Lee, Paul Laverty, Julie Christie, Simon Bitton, Elia Suleiman, Eyal Sivan. Donc on a quand même un nombre de parrains et de marraines très importants, français et internationaux. Et donc c'est une cause qui concerne les plus grands cinéastes de notre temps, en tout cas. Absolument, absolument. Salim Abou Jamal, your documentary which is called Roshmia, because of the valley where it takes place. Could you explain why this region is important and what happened there? Donc j'ai dit, Salim Abou Jamal, votre documentaire qui est présenté pendant le festival s'appelle Roshmia, parce que ça a lieu dans la vallée de Roshmia. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi cette région est aussi importante, ce qui s'y passe? Salim Abou Jamal. So Roshmia Valley exists in Haifa City, and Haifa City is a place that now in Israel, but there is refugees from, you know, Palestinian refugees in 1948, the Nakba, the big catastrophe in Palestine. And donc, dans cette vallée, il s'est exercé la Nakba, c'est-à-dire ce qu'on appelle en langage palestinien la catastrophe, c'est-à-dire la colonisation. Je complète juste pour dire que en fait c'est une vallée qui se trouve à côté de Haïfa, qui est aujourd'hui englobée dans le territoire d'Israël, mais qui en fait à l'intérieur il y a encore des réfugiés palestiniens qui ont été chassés de leur village d'origine en 1948. Que pour les Palestiniens, ça représente la Nakba qui est la catastrophe. C'est-à-dire parce que c'est là le moment où la majorité des villages ont été détruits et c'est là que ça commence le problème des réfugiés. Okay, so the place is under Israeli authority now. And these two old people should go out from their house. And this is what happened in Haifa. It's not similar to the stories that happened in the West Bank, in Gaza and East Jerusalem. So in donc dans le documentaire, en fait, ce qui se passe, c'est que dans cet endroit, dans cette vallée, il y a un couple âgé qui est obligé à quitter sa maison parce que la maison se trouve en ce moment sous les autorités israéliennes. Ils ont reçu un ordre, ils doivent quitter la maison. Et c'est une pratique qui a lieu pas seulement dans la partie, disons, 1948 ou Israël aujourd'hui, mais c'est la même situation aujourd'hui. Qui se reproduise même en Cisjordanie. So the film presents that all people, they are weak. They are weak because they are Arabs, first of all, Palestinians, and they are old. Et donc ils sont faibles parce qu'ils sont palestiniens et vieux aussi. C'est un vieux couple. Yeah, so in this case, I found them while I was working as a journalist, and I write a story about them, and then I start shoot the film. This story is different than other stories in Palestine because we don't think that we have refugees inside Israel. The refugees that we see always in the refugee camps in the West Bank and in Arab countries. Et donc c'est une histoire qui est assez différente finalement de celle qu'on entend sur la Palestine, c'est ça? Parce qu'on ne s'imagine pas qu'il y a des réfugiés palestiniens dans le territoire même d'Israël. Là, ils sont vraiment dans le territoire même et pas dans un camp de réfugiés. And the other aspect in the film is the human aspect because they are really old people and they are weak and they don't have electricity or water in their shack. So it's a story about human people everywhere. Et c'est une histoire sur les rapports humains puisque ce sont donc des personnes qui sont vulnérables, qui sont âgées, qui n'ont pas accès au confort. Donc c'est vraiment une histoire de personnes humaines. Oui, je veux juste ajouter qu'il disait qu'en fait, lui, il est venu à connaissance de cette histoire parce qu'il a connu ce couple pendant, parce qu'il travaille aussi comme journaliste. Et c'est à partir de là qu'il a décidé de faire le film. And the question I was wondering is, what was the reaction, Youssef and Amna, when you asked them to make a documentary about them? Quelle a été leur réaction quand vous leur avez demandé de faire un documentaire à propos d'eux? They accept because they used to come few journalists to them to ask them and to use cameras and they don't have a TV, so don't really they care about media. So they were welcoming me. I take 1 year to get the full trust and then I can start shooting. Donc ils ont accepté parce qu'en fait ils se rendaient pas vraiment compte de la portée des médias, ils ont pas de télévision. Et donc du coup j'ai pris 1 an d'abord pour les mettre en confiance, les connaître et ensuite j'ai commencé à tourner. And this film made with no any funds from Israeli money, so I did it with independent cinema. And in Palestine we do a lot of cinema with no funding because we don't have funding in the Palestinian side. And so what make me make the film? I just feel that I want to do that. I was a journalist, not a filmmaker. So there is a story, there is a camera, and that's it. How I do the film. Donc ça a été un film qui a été réalisé de façon indépendante. C'est d'ailleurs ce qu'on fait beaucoup en Palestine, puisqu'il y a très peu d'organismes qui peuvent donner les fonds pour faire ça. Et donc je me suis dit qu'il y avait une histoire à raconter. J'avais une caméra, j'étais journaliste et réalisateur de films, donc il fallait le faire. Most of the Palestinian cinema in the West Bank, in Gaza, and inside Israel, and in the the diaspora, it's in this way: independent cinema working in the stories and looking for the quality of the stories and the characters, not the quality of the technology. Et c'est d'ailleurs beaucoup comme ça que fonctionne le cinéma palestinien, c'est-à-dire de façon indépendante, en se demandant pas la qualité technique, mais plutôt en se demandant quelle va être la qualité humaine et la qualité d'histoire, la qualité des personnages. What does it mean to you to be part of such a festival in France and in Paris? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de faire partie d'un festival comme ça en France, à Paris? It's very important to have a Palestinian festival in France because it's a lot of places in America and in Europe there is Palestinian festivals. I think in France the people don't have the opportunity to see Palestinian films because you know the mainstream is looking for other films and the festivals not always focusing on the Palestinian cinema. C'est très important d'avoir ce type de festival en France parce qu'il y en a aux États-Unis notamment, alors qu'en France le public français n'a pas l'opportunité de voir ce type de cinéma, donc ça permet de communiquer. And cinema and films is a great tool to tell the story in deep way because always what we see from Palestine is the news, the reportage, and then we don't get the real story. And always like it's in a war or on all the action that happened there. So the cinema bringing the real story of the real people, and this is what we like in this festival. Ce qui est important dans ce festival, c'est que le cinéma apporte les vraies histoires des vrais gens. Parce que l'image qu'on a de la Palestine, c'est surtout l'image par les nouvelles, par le journal, et donc des images de guerre, de conflit, alors que là, ce sont la vie quotidienne des personnes. Thank you very much. On va peut-être rappeler du coup les infos pratiques de ce festival, le festival donc Ciné-Palestine, jusqu'au 5 juin à Paris, à Saint-Denis, à Aubervilliers. Plus d'informations sur le site festivalpalestine.paris. Est-ce que, Patricia, on peut rappeler les prochains événements du programme? Alors, les prochains événements, c'est demain soir au Luminor Hôtel de Ville à 20h. Ça continue samedi, dimanche, toujours au Luminor Hôtel des Villes, 3 séances par jour. Et après, on enchaîne avec Paris 8 pendant 3 jours et Aubervilliers. Mais je veux dire juste une petite chose, si j'ai encore une minute. Allez-y. Il y a un film, le film qui a ouvert le festival, 3000 nuits de Maï Masri, qui devait passer le 2 juin à Argenteuil, qui a été censuré. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu la polémique, mais le maire de Argenteuil a décidé que le film portait un sujet troublant. Ça et la sociologue et l'ourson sur le mariage gay. Exactement, les deux films. Et les associations locales ont décidé de continuer. Et donc le 2 juin, on ira d'Argenteuil. Si ce n'est pas possible de le projeter dans le cinéma, on le fera en plein air. Donc vous êtes tous invités. Et ben voilà, c'est une invitation sympathique. Là-dessus, on va peut-être enchaîner, on va repasser par l'AG. C'est parti. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Shukran Jazilam. Grèce ! La démocratie ! Contre la République ! C'est déjà dit, mais Tintin vous dit, la France n'a pas qu'une seule couleur, elle en a trois. Et le blanc est en train de laver le slip sale où devant, Marianne, tu as des taches de sang. Et maintenant à l'arrière, des taches de merde. Parce que tu nous as matraqués à Nation. Tu nous as matraqués devant la Nation. Mais attention, la Bastille, approche. Serge, puis Sophie. Serge. Sophie, à Serge. Oui, bon, c'est en ce moment, c'est un peu trouble. J'ai une proposition au niveau des médias. Au niveau des médias, j'ai une proposition, mais ça demandera du temps. C'est-à-dire, il faudrait créer pour chaque radio, donner pour chaque radio, pour chaque télé, un référent qui mesure exactement ce que l'on dit sur Nuit Debout, qu'est-ce qu'on en dit réellement, combien de temps ça prend et quel est le contenu de ce qui est dit. Ça voudrait dire que chacun suive un média, une télé, une radio et en fasse le compte-rendu au niveau de l'Assemblée Générale, quoi, tout simplement, pour dire voilà ce qu'on dit de Nuit Debout, comment on le dit et par qui c'est dit et quel est le contenu de ce que l'on dit. C'est un travail qu'on fait dans toutes les écoles de sciences politiques. Mais il faut beaucoup de personnes pour suivre ces putains de télé, effectivement, ces radios. Merde, je sais plus. Sophie. Allô ? Oui, je m'entends. Radio debout. Management très trop planning, rendement et fils fucking, licenciement facial, harcèlement dominical, période d'essai, 20.D, post-carcéral, suicide social. Allô ? Oui, tout le monde m'entend. Radio debout. Je pense qu'on peut saluer l'originalité des jingles de Radio Debout quand même. Alors, on est toujours sur Radio Debout, en direct de la place de la République dans le 11e arrondissement. Tout à l'heure, on vous parlait de festival de cinéma palestinien. On va continuer à vous parler de cinéma avec Kaïna. Salut Kaïna. Salut tout le monde. Donc toi, tu fais partie de... Salut. Tu fais partie de la commission cinéma qui s'est créée tout récemment. Alors, j'aimerais que tu nous racontes déjà le début de cette aventure. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, le début de cette aventure, c'était le projet cinématographique de trois copains. Ulysse, c'est le stress du direct. Pas de soucis, t'inquiète pas. Donc, plutôt Ulysse, Clément et Pierre. Du coup, ils font du cinéma et ils avaient envie d'écrire une fiction. D'écrire une fiction sur l'engagement, sur le militantisme. Sur le militantisme et sur ce qui se passe aussi. C'était plutôt le bon endroit ici, effectivement. Voilà. Et leur projet, c'était de faire un film participatif qui se pense, se crée, se réalise et se diffuse sur la place de la République. Voilà, donc pour l'instant, on a eu la première phase le début du mois de mai, où on a du coup écrit le scénario avec les gens qui passaient sur à Nuit Debout. Ah ouais, donc vous avez peut-être contribué à l'élaboration du film. Sans le savoir, ok. Voilà. Donc du coup, ils ont écrit ce scénario. Là, on est dans une phase où on cherche encore des techniciens. On compte tourner d'ici 2 semaines. D'accord. Donc on est en pleine phase de casting. On a encore besoin d'acteurs, d'actrices. On peut peut-être passer un appel aux auditeurs de Radio Debout d'ailleurs. Hein. Bien sûr. Si vous voulez figurer dans un très chouette film participatif, comment on fait pour vous contacter d'ailleurs? Alors vous pouvez nous contacter par notre page Facebook, Commission Cinéma Nuit Froide. Du coup, on a quand même prévu des prochaines réunions et casting demain de 18h30 à 21h30 et samedi également de 18h30 à 21h30. Donc n'hésitez pas si vous êtes du monde du cinéma ou non, parce que on s'inscrit dans un projet vraiment participatif où tout le monde peut venir, tout le monde peut nous rejoindre à n'importe quel moment, que ça soit maintenant ou dans 6 mois au moment de la diffusion par exemple. Donc voilà, c'est pas... Et alors, cette organisation, c'est ça qui est assez nouveau, c'est une organisation complètement horizontale. Ça fonctionne bien avec pas un réalisateur qui donne des ordres? Ça fonctionne quand même? Ça fonctionne, mais bien sûr qu'il y a eu, des débats, il y a eu des petits accrochements, il y a eu des grandes discussions. Mais on essaye. Mais venez voir comment ça peut se passer un cinéma sans hiérarchie, un cinéma à l'horizontale, un cinéma utopiste. Un peu Nuit Debout. Tout à fait. Alors, qui est-ce qui compose cette commission maintenant? Vous êtes combien déjà? Alors, pour l'instant, on est 20, mais bientôt plus. Du coup, il y a un noyau dur de 10 personnes. Mais tous les jours, encore tout à l'heure, on a eu des nouveaux castings, de nouvelles personnes qui se sont greffées. Donc voilà, c'est un projet qui déclenche l'enthousiasme en fait. C'est ça. Ouais, vous le ressentez ça? Oui, c'est surtout sur le message qu'on veut faire passer, parce que c'est une fiction qui s'inspire du fond de l'air de Nuit Debout, mais qui ne raconte pas l'histoire de Nuit Debout. Notre objectif c'était juste d'écrire une histoire sur l'engagement politique, sur la prise de conscience, sur, bien sûr, Nuit Debout. Si ça veut ça, ouais. Mais c'est pas le sujet principal. Mais c'est pas du tout le sujet principal. Okay. D'ailleurs, on fait pas référence à ce qui se passe réellement à Nuit Debout. Et c'est volontaire. Parce qu'on aimerait que ça soit un projet qui s'inscrive dans le temps. On n'aimerait pas que ça soit juste assimilé à un mouvement social ou à une révolte. Voilà. On aimerait que ça reste. Et alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi la forme de la fiction plutôt que du documentaire? Alors, moi, je ne suis pas forcément en mesure de vous répondre. Parce que j'ai rejoint le groupe qu'en cours de route. D'ailleurs, je ne suis pas du tout du milieu du cinéma. Donc, je ne pourrais pas non plus parler technique. Mais donc, du coup, je ne sais pas trop. Je pense qu'ils voulaient... je ne peux pas parler à leur place. Mais demain, tu 18h30... Peux faire une hypothèse. D'accord. L'idée, c'est qu'une fois tournée, ce soit quand même diffusé. Est-ce que vous avez réfléchi aux moyens de diffusion? Oui, tout à fait. On aimerait sensibiliser dans les quartiers, on aimerait sensibiliser dans les collèges, les lycées. C'est l'histoire d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, entre 18 et 24, quelque chose comme ça plutôt. Et voilà, il est issu d'un bon milieu, il sort du sport et il lui arrive plein de merde et il fait plein de rencontres, des rencontres qui vont éveiller sa conscience. Et il se passe tout un film jusqu'à l'arrivée Place de la République. Donc c'est une sorte de conte initiatique autour du militantisme, quoi. C'est ça. Ok. Avec plein de sujets différents. Et alors ce que tu me disais en préparant l'interview, c'est que tu as ressenti un besoin de témoigner de ce qui se passait ici, c'est-à-dire... Oui. Ça c'est... Ça c'est plutôt individuel, ça va pas s'inscrire dans la commission. C'est intéressant. Mais j'ai rejoint le mouvement, j'ai commencé à être assidue toutes les nuits au moment où c'était vraiment c'était magique. Fouler la place de la République, c'était waouh. Enfin, pour moi, c'était un truc de dingue. C'était waouh, c'est un bon adjectif. Et j'ai ressenti ouais, le besoin de comment dire, de démentir ce que les images qu'on peut voir dans les médias, de démentir et de montrer que qu'on n'est pas des casseurs, qu'on n'est pas des extrémistes, qu'on n'est pas voilà. Donc c'était ce besoin de témoignage et je me suis promenée sur la place. Au début, j'ai vu beaucoup de projets individuels, mais j'ai eu du coup la chance de rencontrer Pierre. Qui a fait 3 appels en AG il y a environ un mois. Je me suis dit, ah mais oui, c'est ce gars, il faut que j'aille les rejoindre. Et voilà, c'est né comme ça. Cette volonté de participer, de témoigner, de m'inscrire dans une commission. Parce ouais. qu'au début, c'était pas forcément... Mais je pense que c'est assez commun à beaucoup de gens, notamment ceux qui font TV Debout, Radio Debout, cette envie d'essayer de fixer ce qui se passe ici, dans la durée. Une dernière chose, en mai 68, il y a beaucoup de films qui ont été tournés, un petit peu façon débrouille, DIY, comme on dit, do it yourself. C'est votre idée aussi, de faire un peu système D ? Bien sûr, parce que quand on parle de cinéma participatif, qui ne s'inscrit pas dans une logique commerciale, ben on n'a pas de moyens. On n'a pas, puis on n'est pas une association, on n'a pas de subvention, voilà. Donc il a fallu se débrouiller un peu avec les moyens du bord, quoi. C'est ça. C'est pour ça qu'on a encore besoin de vous, on a encore besoin de techniciens, on a besoin d'acteurs, on a besoin de tout, d'avis, de conseils, d'encouragement, d'objections. Ouais, de tout. Tout à fait. Donc on peut vous retrouver. C'est quoi la prochaine réunion, tu as c'est dit ? C'est demain 18h30 sur la place. Demain 18h30, ok. Et la page Facebook ? La page Facebook, Commission Cinéma, plus loin, Nuit Froide. D'accord, Commission Cinéma, Nuit Froide. Eh bien écoute, merci beaucoup, Kaina. On m'a demandé de décrire un petit peu ce qui se passait en AG en ce moment. Et alors il faut savoir que tout à l'heure, il y a une dame qui s'appelle Malika qui est intervenue. Alors Malika, on l'aime bien sur Radio Debout. C'est une dame qui a été intermittente du spectacle et qui maintenant est poète et qui dit des poèmes sur la place. Donc voilà, c'était très chouette. D'ailleurs, on va peut-être retourner en AG avant d'enchaîner. Bon, c'est parti, on écoute. On peut rien faire, c'est une autre. On a vécu les années 70 ce genre d'événement. On allait travailler, mais il y a pas mal d'hommes qui font partie des syndicats, que je remercie beaucoup, mais qui nous ont empêchés d'aller travailler. Donc les salaires, quand ils sont, quand on n'est pas payé, c'est pas l'État qui nous les paye, ni les patrons. Donc il faut essayer d'y penser aussi et d'y faire face. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Merci. C'est au tour de Sophie B. Et moi, je n'ai fait que la modération intérim, le temps de faire la transition. Et je crois que c'est Franck qui va prendre le relais. Bon courage. Ouais, merci. T'as la liste ? Ouais, ouais. C'est Sophie B. Sophie B. Ah, merci. Où ça ? Ah, bah. Venez, venez. Venez. Ah, tu préfères Télo. Bon, ok. Vas-y. Bonsoir. Alors moi je parle en particulier pour la commission France-Afrique et surtout pour ceux qui s'occupent des animaux là, pour la sauvegarde des animaux, parce que je voulais signaler une chose, je ne sais pas si les gens sont au courant, mais moi je suis bien au courant, c'est qu'en Afrique du Sud, l'Émirat d'Arabie Saoudite a payé le gouvernement Tanzanie et Botswana et toute l'Afrique du Sud les réserves d'animaux pour tuer les animaux, pour leur faire les réserves de viande. Mais pas que ça, c'est qu'aussi ils tuent les tribus noires, c'est-à-dire les tribus tanzaniennes, les tribus Botswana, les tribus... Enfin, toute l'Afrique du Sud est touchée. Ce qui se passe, c'est que l'Émirat d'Arabie Saoudite paye aussi bien le gouvernement anglais que le gouvernement de ces pays d'Afrique qui, eux, ce qui les intéresse, c'est de gagner leur argent des Émirats d'Arabie Saoudite, mais aussi ils tuent leur propre peuple, les tribus déjà qui sont en voie de disparition et malheureusement sont en extinction par la police tanzanienne, gouvernement Botswana et autres. Donc je voulais dénoncer ça et je connais très bien donc un Français. Parmi d'autres sont allés là-bas carrément en Afrique du Sud pour voir sur place ce qui se passait et a fait venir un seul un homme de la tribu pour le faire voyager dans le monde pour en parler, mais pas que pour blablabla, mais aussi pour agir contre l'émirat d'Arabie Saoudite qui paye sans arrêt les terres. Les réserves d'animaux de ces Africains, de ces tribus, ils prennent ces animaux pour leur faire leur viande, pour leur viande, pour manger leur viande. Mais il n'y a pas que ça, c'est que aussi les safaris, ils payent les safaris pour tuer les animaux. Voilà. Ils payent les safaris, c'est-à-dire les touristes, qui durent plus de 6 000 euros, pour faire quoi? Pour tirer dans l'air, dans n'importe ce qui bouge. Ça peut être quelqu'un de la tribu noire, ça peut être un animal tué. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dénoncer. Mais mon combat, à moi, il n'est pas tout seul. Je vais continuer ce combat, pour non seulement pour parler, mais pour agir, parce que les gens, ils ont de la boue dans les yeux. Ils ne savent pas tout ce qui se passe dans le monde, dans le globe de la Terre. Merci. Merci. On va appeler la commission cahier de doléances. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ici cahier des doléances, je viens faire une annonce pour une action en dehors de la place. Si des personnes sont intéressées, on aura un stand dans une petite association de quartier dans le 19e arrondissement à la station Ourcq. Si on fait acte d'une présence satisfaisante, on pourra avoir un stand de manière permanente aux fêtes de quartier à partir de maintenant. Et ceux qui n'ont pas le temps de se déplacer pour venir sur la place de la République pourront peut-être se mobiliser à des endroits différents, des quartiers, des banlieues et des quartiers populaires. C'était un peu l'idée. Mais en général, donc ce sont des associations qui restent dans leur localité et qui ont une certaine réticence à se déplacer, mais qui ne sont pas contre nous recevoir et écouter nos idées. Donc je vais passer une annonce aux différentes commissions. Mais si vous êtes prêts à vous mobiliser également en dehors de la place, vous êtes tous les bienvenus et vous pouvez vous manifester sur le mail de la commission cahier des doléances. Normalement, on aura une personne de la commission radio et de la commission télé pour nous accompagner. Voilà, bonne soirée. Merci à la commission cahier des doléances. On va appeler Asna. Asna. Non, je ne vais plus jamais travailler, plutôt crever. Radio Debout. On est toujours donc sur Radio Debout, en direct de la place de la République dans le 11e. Et alors j'avais une petite information à vous passer. Donc jeudi 9 juin prochain, il y aura un concert et débat sur le thème du travail. Donc le travail à travers la musique, des artistes et des scientifiques réunis autour du travail. C'est un projet unique qui est organisé par les étudiants de Paris 10 en ergonomie et en psychologie du travail. Et à noter que tous les fonds récoltés vont être versés à l'Organisation internationale du travail qui lutte contre notamment l'emploi des enfants dans le monde. Donc vous pouvez les retrouver sur workandroll.com comme rock and roll, mais workandroll.com. Et alors donc tout à l'heure je vous disais que Malika avait assuré une petite intervention pendant l'AG, donc Malika qui a été intermittente et qui maintenant lit des poèmes, c'est son activité, elle offre des poèmes aux gens. Et donc là Malika, bonjour. Bonjour et puis bonjour la nuit debout qui nous permet d'être debout même si on est assis. C'est une belle salutation. Donc tu as écrit un poème. Tout récent. Et comme il est tout récent, il n'est pas dans ma tête comme les autres qui m'habitent. Alors je vais vous le lire et j'espère que... il est dans ma tête quand je suis chez moi parce qu'il est tout vierge. Et en étant en face de vous, je vais le lire. Les nuits debout à la place de Paris, sur la place de Paris. De nuit, on accueille autrui sur une place de Paris et sans prendre parti, on écoute ce qu'il dit de ce monde qui se fait sans lui. De nuit et sans a priori, sur une place de Paris, on échange les soucis avec autrui. Le premier pas est déjà franchi. un autrui en compagnie d'autrui. C'est le prérequis pour redonner sens à sa vie. De nuit et sans souci sur une place de Paris, on se fait apprenti. On écoute les récits d'autrui, fait de peur, d'ennui et d'envie aussi. De nuit et sans souci, sans priori, sur une place de Paris, on échange des vécus, des ressentis et des fragments de vie avec tout autrui. Le deuxième pas a suivi. L'autrui n'est plus autrui. Il y a du toi en lui. C'est le prérequis pour féconder ce monde tel qu'il est bâti. De nuit sur un sujet précis, maître et apprenti, sur une place de Paris, sans parti pris, échangent leurs acquis, exposent leurs idées. Le dernier pas est franchi. L'autrui, presque ami. Avec lui, on grandit, on mûrit, on se construit. Les prérequis pour se projeter dans la vie. De nuit entre amis sur une place de Paris, on parle aussi bien du salaire que de l'employé et de l'employeur. Cette alliance des contraires, déjà décrite par ailleurs, l'un esclave mais producteur et de plus en plus hagard, et l'autre ascète mais avare et de plus en plus bavard. Hélas, dans une même galère, depuis peu tributaire des appétits des actionnaires qui mettent en demeure tout pouvoir de les laisser faire. Parfois la nuit entre amis sur une place de Paris, on se permet de rêver aussi d'un employé, d'un employeur, partenaire, entrepreneur, d'une économie solidaire et planétaire. Imagine un employé, un employeur, bâtisseur et prometteur d'une nouvelle ère. Ni territoire, ni frontière, là où sévit la misère, et pour un monde bien meilleur, l'enfer à jamais banni de la planète Terre. La mère nourricière qui se terre, pleure et se meurt. Et puis il y aura bien une nuit, certains l'ont prédit et d'autres l'ont promis, sur une place de Paris, des artistes et des poètes se joindront à la fête, des voix et des plumes toutes prêtes, et pour l'étendard et pour le manifeste. Merci, la nuit debout. Merci beaucoup Malika, c'était un très chouette poème, donc lu par une grande dame. Voilà. Et là-dessus, vous savez, à Nuit Debout, à Radio Debout, notre petite coutume, on va dire, c'est de terminer l'antenne en musique. Alors si vous avez écouté hier, on était à Saint-Denis et on a eu des musiciens qui étaient... Donc d'abord, ils nous ont joué un petit morceau à la guitare, c'était un morceau de musique traditionnelle algérienne. Et puis après, il y a une chorale qui est venue, qui s'est joint à eux, c'était un moment assez chouette. Et là, donc, on va accueillir un joueur d'un instrument qui s'appelle le hang. Alors, pour vous décrire un petit peu, amis auditeurs, ce que c'est qu'un hang... Ah, d'accord, eh ben, très bien, on va le décrire. C'est un instrument donc, qui est assez étonnant, et puis on va faire une petite introduction, je te laisse introduire. Bonjour à tous, bonsoir. Oui, alors on est avec Alexandre là, sur la place de la République, juste en attendant qu'il s'installe. Je vais juste vous dire un peu ce qui se passe sur la place entre l'AG. Il y a quand même pas mal de monde aujourd'hui, le temps est assez clément. Nos camarades... de la tente d'à côté télévise et ceux de l'autre côté regardent l'AG. C'est plutôt une ambiance bon enfant. Il y a un monsieur qui crie très fort à l'AG, je sais pas, il doit avoir plein de choses à dire. Et voilà, je crois qu'Alexandre est à peu près installé. Ah non, il récure son hang, c'est important. C'est important, il le lustre. Ah voilà, il brille de mille feux. C'est incroyable. Alors, salut Alexandre. Salut. Donc, on va peut-être commencer par juste une petite démonstration. On va entendre ce que tu vas nous jouer et puis après on discutera un peu de cet instrument qu'on ne connaît pas. Waouh, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu cet instrument pour nos auditeurs qui ne voient pas ? Alors, cet instrument en question, c'est pas un hang en fait. C'est une autre, c'est une copie de hang. Il s'appelle un Nasachan, c'est aussi fabriqué en Suisse. Donc le hang originaire vient de Suisse. Donc c'est un couple de métallurgistes qui a inventé le hang à l'an 2000. Ils fabriquaient plusieurs instruments en métal, des steel drums, des guitares, des... Enfin, voilà. Et ils ont inventé le hang qui a fait l'impact unanime au niveau mondial de nouveautés, d'ingéniosité, de vertus sonores comme ça, magique. Et depuis à peu près 2008, ils avaient du mal à fournir tout le monde et du coup, il y a d'autres fabricants qui se sont mis à en fabriquer. Et notamment celui-là, Ezan, qui est un fabricant également en Suisse, thaïlandais d'origine, qui fabrique des Nasachan qui sont d'assez bonne qualité parce que la plupart des copies sont assez pourries. Hein. Vaut mieux acheter un hang original, au moins on est sûr d'avoir quelque chose de bon. Mais maintenant, il commence à y avoir une bonne dizaine de fabricants qui font quelque chose de correct. Et voilà, le hang, ça ressemble à une soucoupe volante avec donc le dôme que vous voyez dessus, on appelle le ding, c'est la basse hein, qui fait résonner tous les autres instruments, toutes les notes de l'instrument. Et puis les notes, les petits creux que vous voyez autour, c'est les notes. Et donc chaque hang va avoir sa gamme, va avoir 7, 8 ou 9 notes. Voilà. Il y a des hangs plus complexes que celui-là. Il y a des hangs qui sont un peu plus complexes, il y a des hangs qui ont des notes en dessous, il y a des goudou hangs, c'est-à-dire un deuxième trou en dessous, ça permet de faire une sorte de houdou métallique. Il va y avoir des gammes plus compliquées à jouer aussi que d'autres. Après, ils vont avoir chacun, comme ils sont faits à la main, c'est un objet un peu unique. Il y a son poids, sa couleur, sa couleur musicale surtout. Quoi. Et toi, comment t'en es venu à jouer du hang alors ? En fait, je suis comédien de métier et j'étais au Festival d'Avignon. Et un soir, j'entends un son qui m'attire et je rentre comme ça dans une chapelle qui était ouverte. Et je vois un mec assis au milieu de la chapelle en train de jouer je sais pas quoi, donc du hang, j'ai appris après, devant, je sais pas, 200 personnes. Et donc j'ai été fasciné par surtout le son en plus dans la chapelle. Il en jouait en plus de manière très sacrée. Enfin, il y avait quelque chose de vraiment fascinant. Et à un moment donné, il pose des questions, il demande si on a des questions, et puis moi, je lui demande si on peut toucher. Et il m'a dit, viens jouer. Alors, il m'a mis à sa place, et alors là, ça a été révélation. Et je me suis mis à la musique, alors que j'ai aucune formation musicale. Et donc, tu as appris en autodidacte ? Oui, mais je crois que tout le monde apprend un peu en autodidacte, puisque c'est un instrument assez intuitif. C'est une percussion mélodique, circulaire, donc ça paraît un peu compliqué comme ça en métal. Mais en fait, c'est très simple. Il faut juste se laisser aller. Voilà, il faut trouver le contact. On passe une semaine ou un mois à trouver la façon de le faire bien résonner. Et après, il y a juste à le faire chanter, trouver des mélodies. Quoi. Et alors, les morceaux que tu nous joues là, c'est des morceaux improvisés ou c'est des morceaux... Ah là, c'était complètement improvisé. Okay. J'ai des morceaux très, très écrits avec mon groupe, Alma Veda. Mais sinon, là, avec Lang, je joue freestyle souvent. Bon, on recommence ? Allez. Thank you. certains de nos auditeurs veulent t'écouter en live. Tu as un groupe, c'est ça, je crois? Un groupe, ouais. D'ailleurs, j'ai un CD que j'ai récupéré hier. Et c'est un live, donc c'est un nouvel album version. Bah, en fait, c'est un live qu'on a enregistré à Paris. Et, donc voilà, ça s'appelle Alma Veda, le groupe. L-M-A-V-E-D-A, Alma Veda. Et donc là, Alma Veda Live, il est super beau. Je vais vous montrer la pochette après. C'est un live où il y a de la harpe, du chant, il y a une multitude de handpan. Donc les handpan, c'est la famille des hang. Il y en a une douzaine. Donc ils ont plein de sonorités, leur personnalité. Il y a des percussions, de la flûte, voilà, il y a des tubes allophones. Il y a plein d'instruments très sympas dans ce live. Bah, chouette, c'est noté. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur la place de la République. Il y a un petit attroupement qui s'est installé derrière nous pendant que tu jouais d'ailleurs. Et nous, on va s'arrêter là pour cette nuit. Et oui, malheureusement, les meilleures choses ont une fin. Voilà. Merci infiniment. Alors aujourd'hui, nous avons eu donc un reportage sur le retour de Manif, où on a pu entendre un papa qui déguisait sa petite fille en tortue ninja pour pas se faire gazer par les flics. On a eu le festival Ciné-Palestine, la commission cinéma. On a eu également quelqu'un qui nous proposait d'innover dans la lutte. On a eu des sans-papiers, on a eu plein de choses. On vous remercie. Et donc c'était sur Radio Debout. Et alors, moi je vais parler de l'avenir. Ouais. Je vais parler de l'avenir du coup. Et ouais. Vous dire avec grand joie que demain on sera à Rennes avec Radio Croco. Et qu'on se réjouit. Cool. Alors on mettra sur nos réseaux sociaux nos heures d'émission, parce qu'on ne sait pas encore à quelle heure on va commencer, ni d'où on va émettre. C'est un peu la surprise, mais c'est hyper excitant. Ouais, justement, c'est ça qui est drôle. Voilà. Et ben à demain. À bonne demain, nuit. Ouais. Bonne nuit. Écoutez, parler, comprendre. Radio Debout. Rendez-vous sur le SoundCloud pour le podcast.